salut, c'est Virgin Radio, il est 5h57, Camille et toute l'équipe arrive dans un instant. Avant ça, il est drôle, il est talentueux, il vous fait de l'actu, ah. Il n'était pas dispo ce matin, du coup on a Tristan Sarah pour l'info partout en France. Bonjour Tristan. Salut Robin, salut. Bonjour à tous, bonjour. J'aime bien ça. Merci, une tempête, bah c'est cool. Une tempête tropicale va balayer les Antilles dans la journée, en métropole ce sera plutôt le calme plat, un peu de vent seulement sur les côtes de la Manche, mais du soleil sur l'ensemble du pays. Le mercure 24 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Bordeaux et 28 sur le pont d'Avignon. L'info de la nuit à l'étranger, c'est le décès de Shimon Peres. L'ancien président de l'État hébreu s'est éteint dans son sommeil cette nuit à l'hôpital de Ramat Gan près de Tel Aviv. Il était âgé de 93 ans. Il a succombé à un AVC. Les médecins vont tenir une conférence de presse dans quelques instants. Shimon Peres était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 94. En France, la présentation ce matin du prélèvement à la source. Le texte sera détaillé en Conseil des ministres. L'impôt devrait ainsi être directement ponctionné sur les revenus mensuels des l'an prochain, un projet qui devrait susciter des débats animés cet automne à l'Assemblée. Bernard Squarcini, toujours en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. La police des polices suspecte l'ex-patron de la DCRI de trafic d'influence. À la tête d'une société de conseil en sécurité, il aurait usé de ses anciennes relations dans la PJ. Pour en savoir plus sur une affaire. 249 clients de prostituées se sont fait verbaliser. Premier bilan depuis la mise en place en avril de la nouvelle loi. À lui seul, le département de l'Aude totalise 20% des PV dressés au moment où la prostituée monte dans le véhicule. Tous les clients ont accepté de payer l'amende sur place pour ne pas recevoir de relance à la maison. La bataille des télécoms se joue désormais sur les contenus. L'idée, c'est de séduire un maximum de clients avec des offres pas trop chères et toujours plus étoffées. L'opérateur Free vient de frapper un grand coup en intégrant CanalSat dans ses offres pour 2 € de plus. Tout CanalSat Panorama et 50 chaînes pour 39,99 € par mois avec la Freebox Révolution. L'offre comprend aussi l'appli MyCanal. Beyoncé et Justin Bieber en tête de la course au MTV Europe Music Awards. Les deux artistes sont nominés chacun dans 5 catégories. Adele, Lucas Graham, Coldplay et Shawn Mendes en lice, chacun eux pour 4 prix. La cérémonie aura lieu le 6 novembre à Rotterdam et sur MTV. Incroyable retournement de situation hier soir en Ligue des Champions. Alors que Leverkusen était sur le point de battre Monaco, le club de la Principauté a arraché le nul. Un but partout grâce à une frappe de Camille Glick dans les dernières secondes du temps additionnel. Un but à la 94e minute qui permet à Monaco de rester en tête du groupe E après 2 journées. En revanche, Lyon s'est incliné 1-0 à Séville. L'OL tombe à la 3e place. Paris joue ce soir en Bulgarie face à Ludogorets à 20h45. Et puis Florent Manodou s'offre une parenthèse dans sa carrière de nageur. Le champion olympique de 2012 a décidé de se tourner vers le handball. Il a commencé d'ailleurs à s'entraîner avec le club d'Aix-en-Provence, tout en pensant aux Jeux Olympiques de 2020 dans les bassins. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio, j'espère que tout va bien pour vous, c'est mercredi, aujourd'hui le 28 septembre, j'aperçois au loin une équipe qui ressemble à une équipe, l'équipe bis. Oui. Mais non mais t'aperçois parce que les yeux sont pas encore très ouverts mais on est complètement là. On regarde, peut pas te louper toi. Allez, il y a Laure qui est ici, ça va Laure? Ça va et toi? Il y a ta fille qui a écrit sur ta chemise. Voilà. Ah moi j'ai dessiné dessus. Bah ouais, puis je trouve ça mignon donc je la porte. D'accord, bah c'est bien, bah, ouais. Porte-la. Il y a des jolis messages dessus. Ouais. Ah bon, il y a quoi? Faut prendre anglais. Le temps de lire quoi, il faut prendre le temps de me regarder. I told you. Faut savoir lire déjà. Non, c'est de l'anglais, tu traduis et je lis. Alors. I told you. Je vous ai dit. I miss you. Que tu me manquais. But I wasn't honest. Mais j'étais pas très honnête. Ah. I miss your eyes. Je manque smile. Tes yeux. Ton sourire. Et après, c'est coupé your par la manche. You sit next to mine. The way you moved and the way you miss me too. C'est du Michael Jackson. The way you make me feel. The way you make me feel. Donc, Laura a une chemise où on a écrit tu visiblement, voilà. Mais elle est là avec nous ce matin. Il y a Clément. Salut, il y a aussi une inscription sur ma chemise. En plus, c'est ta ville de naissance. C'est marqué Gap. Et oui, c'est vrai que je suis la gaffe dans les Hautes-Alpes. Il y a Pauline du Standard qui est là aussi. Comment ça va? Bah, ça va très très bien. Hier, j'ai passé une journée complètement passionnante. J'ai emmené mon chat chez le véto. Elle a un rhume. Elle a un rhume. Je sais pas ce qu'elle a. Elle arrête pas d'éternuer. Oui, l'échappe à un rhume. Mais du coup, j'ai lâché tout ce que j'avais sur mon compte pour le véto. C'est ça. Moi aussi, j'ai mon chien. Autre chose, je vais jamais malheureusement souvent chez le véto, mais il va bien. Mais c'est vrai que les vétos, c'est pas maintenant les généralistes. On bat dès que t'es un généraliste. généraliste qui a 40 euros, dit oh, dis non, un peu cher là. Et les vétos, tu pour bah, juste regarder les pattes de ton chien, 950 euros. Merci. C'est ça. D'accord, c'est, tout va bien. Clément. J'ai une vraie question, ça éternue un chat ou pas? Oui. Ah bon? Oui. Ah bah oui, elle est, ouais. Là elle éternue et puis j'étais obligée de la moucher hier, la pauvre. Oh. Pardon, elle est vraiment pas bien, ça me fait de la peine, mais oh, bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Non, c'est rien, mais moi ça me fait toujours de la peine, bah, quoi, c'est mon enfant. Hein. Bon, mon chien il a des rhumes, il a le nez qui coule et tout, ouais, mais bon, bah, je le mouche pas. Hein. Mais moi je la mouche. Je débrouille quoi, oui, Laure. Faut le faire avec un mouche bébé, c'est une horreur, c'est un truc que vous allez découvrir plus tard, mais on l'a tous fait en tant que parent. Un mouche bébé. Bah, écoute, on y pensera, t'as qu'à l'écrire sur ta chemise. Voilà, je note. Ça fera notre pense. Merci. C'est le truc où t'aspires là, c'est ça? C'est comme quand tu veux piquer de l'essence. Voilà, c'est ça. Oui, tu siphonnes le nez, bah oui. C'est parce qu'ils savent pas encore se moucher à l'époque, ouais, bien sûr. Horrible. On va peut-être parler des cadeaux. Oui, ouais. Comment on est arrivé si vite sur le fait d'aspirer la mort des enfants. Ça va très vite, hein. Les amis, ce matin encore, qu'est-ce que c'est Sennheiser à vous offrir un séjour à La Réunion. Eh oui. Vous le savez, chaque jour vous vous inscrivez en fin de semaine parmi les 4 gagnants de la semaine. L'on repartira avec un séjour d'une valeur de 7000 euros à La Réunion. On vous offrira aussi des packs PS4, le jeu FIFA 17 et grâce à Brossard, iPhone 7 encore à gagner ce matin avant 9h. On prend vraiment soin de vous les amis. Et puis surtout, hein, vous le savez, hein, le plus beau des cadeaux, c'est votre loyer à gagner toutes les heures. 6h20, 7h20, 8h20. Et c'est déjà bien, c'est trois loyers par matinée, loyer donc au 7, 12, 13 pour vous inscrire. T'as fait quoi toi hier soir, Malor? Écoute, j'ai regardé Rendez-vous en Terre Inconnue, je me suis endormie devant, j'ai rêvé que je faisais Rendez-vous en Terre Inconnue et j'étais contente de me réveiller dans mon lit ce matin. Ouais, quand même. Ouais, pour la douche. J'adorerais le faire, mais bon, quand même, t'es bien chez toi. Bah, ça dépend où tu vas. Je pense qu'il y a des pays, des peuples, ça doit être dingue et il y en a d'autres où ça doit être moins kiffant quand même. Ouais. Mais ça doit être dingue quand même de faire un truc comme ça, qu'on te fasse faire une valise et qu'on t'emmène dans un endroit tu ne sais pas, je trouve ça génial. C'est fantastique, hein. Ouais. La prison, c'est ça aussi. Fais attention. Hein. Oui, Pauline, au standard. Mais moi, je rêve de le faire rien que pour Fred Lopez. J'adore ce mec. Je sais pas, je suis sûr que ça deviendra. Pareil, je connais pas du tout. Je trouve qu'il a l'air très sympa. Ben ouais, je me vois bien marcher avec lui, parler. À choisir, hein, comme quand il est parti au Mexique et tout, c'est à choisir entre Virginie Efira et Fred Lopez. Moi, je prends Virginie Efira. Non, mais il doit draguer pas mal. Je pense enfin, l'émission, c'est un énorme concept. T'imagines, tu pars avec Adriana Carambeu pendant 3 semaines loin de cette année. Enfin, mon pote, je suis d'accord, mais enfin, pas de douche. Voilà, c'est compliqué, hein, pas non, de dîner romantique et tout. Hein. Ouais, ah, tu dors quand même avec Rodrigo dans la même hutte, tu vois, qui est en train de manger des hamsters et faire des bracelets. Ah, mais ça fait des liens, je suis sûr. Ah, ouais, mais bon, c'est pas simple. Hein. Oui, Pauline. Mais elle l'a fait, Adriana Carambeu. Ah oui, c'est pour ça qu'on le dit, merci. Non, mais elle était magnifique, même au réveil, en fait. Il n'y a rien à faire. Il y a des filles comme ça. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Si, je t'assure. Ouais, comme vous, les filles. Hein. Ah, merci. Oh, ouais. C'est bien, restons coucher. Là-dessus. Hein, bon, restons là-dessus. Je sens un truc derrière. Je peux signer ta chemise pour vous signer. Ça me fait trop plaisir. Avec plaisir. Les amis, allez, on écoute Charlie Pousse tout de suite. Merci d'être avec nous, les copains. Le Virgin Tonic, ça y est, c'est lancé. Mercredi 28 septembre, on vous accompagne jusqu'à 9h. On vous souhaite surtout beaucoup de courage. À vous qui êtes peut-être d'ailleurs déjà au travail. Allez, c'est parti. Virgin Radio. Hey, what's up? It's Charlie Puth. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to. never loved you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. She's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. C'est mercredi aujourd'hui, le 28 septembre. Allez, courage à ceux qui passent sous la douche, courage à ceux qui sont au petit déjeuner, et courage à ceux qui ont bossé toute la nuit et qui nous écoutent. Déjà, voilà, dans 6h20, vous le savez, j'aurai un loyer à vous offrir. L'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Et tiens, pour ce mercredi, j'ai une belle étude. Ouais. La moitié des Français, 49% des Français, ouais, pensent que la sieste devrait être obligatoire au travail. Bah, j'en suis. Oui, bah, attendez. Ben, moi, non. Comment? Bah non, je trouve pas. Alors Clem, je sais pas, moi je suis comme toi. J'ai un problème, vous allez nous dire, hein, vous qui nous écoutez. J'ai un problème, c'est que la sieste, moi je sais que je me réveille de mauvaise humeur. Donc au travail, je pourrais pas, j'y arriverai pas. Ouais, non, mais il y a 20 minutes, 1h30 et tout. Moi j'aime pas dormir en journée, j'aime pas quand les gens dorment un peu au bureau, parce que je voulais pas donner de nom, mais il y en a qui dorment au bureau. Et je trouve ça, moi je suis très ça actif. Peut pas être genre, elle est pas au bureau. Ouais, c'est ça. Elle dort chez elle. Peut-être qu'elle dort, ouais, mais elle est pas au bureau. Tu sais, il y a Virginie qui est avec nous au standard. Bonjour Virginie. Salut Camille, salut à toute l'équipe. Virginie, bonjour. Ma belle, est-ce que t'aimerais faire la sieste au bureau? Bah alors là, avec grand plaisir. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Alors, chauffeur de bus. Oui. Alors moi, je suis en reprise d'études pour passer le concours de CPE. Ouais. Et donc en parallèle, je suis tienne dans un lycée. Oh là là là, surveillante dans un lycée. Et donc tu vas devenir CPE, celle qui signe les mots d'absence? Pas seulement. Oui, mais pas que quand même, ça a évolué heureusement. Oh là là, mais comment, mais ce métier, alors, moi je comprends, mais là il y a peut-être déjà des lycéens, des collégiens qui nous écoutent. Bon, il serait très tôt quand même, vous commencez très tôt, mais comment, à quel moment tu te dis ce métier-là, c'est le mien, quand tu sais que c'est le métier que tu détestes quand t'es collégien? Bah écoute, c'est une vocation, je sais pas, j'adore travailler avec les publics jeunes, avec les ados, et puis voilà, c'est un métier qui me fait envie. C'est énorme. Mais j'aimerais bien faire une sieste au travail de temps en temps quand même. Ah bah tu peux, pendant le PS. Tu te fais une petite sieste, oui, Laure. Non, mais justement, le fait de détester pendant longtemps ta CPE, tu te dis, moi, j'aimerais faire ce métier, le faire bien et diriger les jeunes vers des. Tu détestes pas. Exactement. Ta CPE. Ah, non. Tu veux dire, c'est comme, voilà, c'est la personne qui est là, ouais, pour te dire, eh oh, ouais, qui t'instaure les, oui, règles au, oui, collège. Mais pas seulement, si tu tombes. Et justement... heureusement qu'il y en a d'ailleurs, c'est pas ce que je dis, mais ouais, je veux dire, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Et c'est vrai que quand t'es collégien, ce métier-là, c'est le métier, c'est la personne que t'aimes pas au collège. Ouais, c'est l'autorité, quoi. Ils surveillent aussi sur la cour, nous, ils étaient assez jeunes, et au contraire, ils sont entre les profs et les élèves, ouais, et c'est un bon lien, et moi je les adore tous. Mais c'est pas eux que j'avais à l'époque, j'adore. Ah ouais, ouais, je suis, ah ouais, devenu pote avec eux et tout, parce qu'on, ouais, a 10 ans d'écart seulement. Moi, ils étaient du. T'avais trop doublé. Oui, Pauline, au standard. Moi, j'aurais aimé être conseillère d'orientation, parce que, en fait, à chaque fois, j'ai été hyper mal orientée. Et on voit où t'es, hein. On voit où t'es, hein, maman, Pauline. J'ai eu un vrai souci d'orientation, hein. Franchement. Hein. Là, je vais te dire un truc, je sais pas qui était ton conseiller, mais ça l'a pas fait. Hein. Ma petite Vinou, qu'est-ce que t'aimerais faire au travail? Si tu pouvais instaurer un truc dans ton travail, bah, pas forcément la sieste, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah, un repas comme un dîner presque parfait. Ah, c'est bien. On peut faire le midi et on se donne des notes. C'est bien ça, des déjeuners un peu plus cool. On n'est pas obligé de ramener sa gamelle tout le temps et comme ça, on a un repas qui est cuisiné quelques jours dans la semaine. Bah, je suis d'accord, cool, ça. Je trouve ça une très bonne idée, Clément. Moi, je propose le sexy day. C'est une fois par semaine, comme il y avait le truc le vendredi, on vient à la cool, on vient hyper sexy un jour. C'est motivant, c'est joli, c'est bien. Toi, tu seras en RTT? Ouais. C'est ce qu'on fait, nous, quand on est en congé. Moi, j'aimerais bien organiser des soirées pyjama. Ah. Ouais. J'adorerais. Ah ouais. On se dit dans le boulot, on se retrouve tous, on fait des soirées pyjama. Ouais, ce serait énorme. Super. C'est pas mal, non? Folie de standard. Fait, avec Clément, vous voulez que des trucs pour draguer, en fait, où on est sexy vrai, et après, on fait des soirées pyjama. Mais c'est vrai, ça. Moi, je crois qu'on devrait faire une journée avec enfants. Une journée, on vient avec ses enfants. Ah, bah, c'est pas une journée où on fait des enfants. Non. Ça continue notre idée avec Clément. Voilà. Allez, aujourd'hui, on fait tous des enfants. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ce serait magnifique. Bah, Vinou, merci d'être avec nous le matin. Je t'embrasse très, très fort. Merci à vous. Gros bisous. Bisous. Des bisous à toi, ma belle. Restez avec nous sur Virgin Radio. On écoute Kungs. Il a 19 ans. Il s'appelle Valentin. Ah bon, il est d'Aix-en-Provence. Ah ouais. Don't you know. Je sais que vous l'adorez, ce morceau. Et nous aussi, vous l'avez découvert chez nous. Let's go. Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Tonic. Virgin. Virgin. Tonic. I'm gonna wreck your back. Take it next door. I'm gonna wreck your back. Don't stay, no. I'm gonna wreck your back. Take it next door. I'm gonna wreck your back. Don't stay, no, no. From dying, I'm gonna rest. Je vous paye votre loyer. Et oui, déjà premier loyer à gagner. Loyer au 7 ou 13 par SMS pour vous inscrire. L'équipe reste avec moi. Merci. Yeah, oui. Et puis le pop rock électro de 21 Pilots Ride. Voilà ce qu'on va écouter. Je vous souhaite un excellent réveil. Oh, oh, oh. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Il va faire très beau aujourd'hui sur tout le pays. Une belle journée, bien ensoleillée sur l'ensemble des régions. À peine quelques gouttes possibles ce matin sur les Pays de la Loire. Rien de bien méchant. 18 degrés cet après-midi à Brest et à Cherbourg. Vous aurez 19 à Deauville, 21 à Lille, 22 à Colmar et à Biarritz, 23 attendus à Strasbourg et à Chambéry, 24 degrés pour Paris, Tours, Limoges, Valence, Nice et Perpignan, 25 à Bordeaux, Lyon et Ajaccio. La maximale 28 à Pierrelatte et du côté d'Avignon. Très belle journée avec nous. Virgin Radio. Virgin Radio. Lucas 88 484. Les jeunes danois de Lucas Graham nous chantent la vie. Envoyez Lucas, L-U-K-A-S, au 88 484. Accédez au catalogue et téléchargez Seven Years, le tube de Lucas Graham en sonnerie. Lucas au 88 484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Y'a quoi la télé? Elle Girl, la nouvelle chaîne où les femmes prennent l'écran. En exclusivité sur Elle Girl, The Ellen DeGeneres Show. The Royals, la série avec Elisabeth Hurley qui sème l'anarchie dans la monarchie. Et Catwalks, le magazine d'une décennie de mode décrypté par Ina Moja. Elle Girl, tout l'esprit de Elle dans un écran très girl. Uniquement dans les offres canal. Mais il y avait quoi avant à la télé? Beau gosse, il a du style, du charme. Et c'est votre homme. Vous êtes sûr? Proche au 72021. Est-il honnête? Est-il fidèle? Envoyez Proche PROCHE au 72021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Vous aimeriez être sûr? Envoyez Proche au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'Opas. Virgin Radio Classics. La web radio 100% Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Et bien sûr, on fait ça chaque matin, 6h20, 7h20 et 8h20 pour vous tous qui êtes déjà réveillés sous la douche. D'autres sont même au travail, ont peut-être bossé pendant toute la nuit. On est très, très, très heureux d'être là à vos côtés. Les amis, attention, on y va. Déjà, écoutez bien, déjà un loyer. Loyer au 7-12-13 par SMS. On va tirer au sort parmi tous les SMS reçus depuis hier mardi, 8h20. On a eu notre dernier gagnant hier à 8h20. Oui. Depuis tous les SMS et ceux qu'on a reçus ce matin vous ont inscrit pour ce tirage. Parmi tous les textos reçus, on en tire un au sort. On le rappelle, on vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Si vous me dites Skyrock, bah c'est ça marche pas. Ouais. Si vous me dites Virgin Radio, c'est ça gagné. Marche. Ça marche. Ouais. Pile. Ça tombe pile, quoi, ouais, finalement. Ça tombe bien. Je le sens très mal. On appelle Delphine. Quatrième sonnerie. Oui, allô? Ah, Delphine? Oui? Oh, tu m'as fait peur, toi. Oui, pourquoi? Mais ça sonnait. Ça sonnait dans le vent. Ah bon? Ben allô? Oui, ça ne décrochait pas. Oui, qui c'est? Ça va, ma Delphine? Oui. Ouais. Non. Vas-y. J'ai une question pour toi. Sérieux? Mais oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Vous êtes sérieux? Eh oui, ma chérie, c'est gagné, ma belle. Je suis très, très, très heureux de t'avoir au téléphone. Tu viens d'où? De Plouzané, c'est une petite ville à côté de Brest. Dans le Finistère, très bien. Oui. Ah bon, on est content de faire gagner une Finistéroise. Une Finistérienne. Finistérienne. Sérieux? Ah oui, mais on est très sérieux, ma belle. Mm-hmm. Tu fais quoi dans la vie, Delphine? Je suis agent d'entretien. Très bien, et eh ben ma chérie, on est très content. T'es locataire ou propriétaire? Je suis propriétaire d'une maison. D'accord, et donc je vais te payer une mensualité de crédit, c'est ça? Oui, 510 euros. Et 510? Oui. Eh ben 510 euros, ma belle, je suis très heureux, je te fais le chèque tout de suite et tu vas le recevoir grâce à Virgin Radio. Tu paieras pas de mensualité de crédit le mois prochain, d'accord? Oh, vous ne vous rendez pas compte que ça tombe bien. Ah, bah, écoute, franchement, on a plein de SMS, évidemment, toutes les heures. Mais on sait que c'est une période de l'année qui n'est pas simple. Après les vacances, les impôts et tout, on est très très heureux de te filer un coup de main, ma belle. Je crois pas. Allez, c'est jeté la mignonne. C'est que des bonnes nouvelles, ma chérie, rassure-toi. Ah oui, je vais pouvoir souffler là. Pleure pas, ma chérie. Je vous remercie. Oh là là. T'as des galères de thunes, Delphine? Bah oui, j'ai plein de choses qui me tombent en même temps. Là. J'ai mon mari qui est au chômage, j'ai ma voiture à réparer. Enfin, c'est, voilà. Ah, je vais avoir du mal à t'offrir une voiture, mais on va t'offrir deux mois de loyer. Ouais, deux mois. Allez, on te fait un chèque de 1020 euros, ma belle. Je t'offre deux mois, je vais me faire engueuler, je le fais de plus en plus. Ouais, ouais. Ma chérie, je t'offre deux mois de loyer, ma belle. J'espère que ça va te filer un bon coup de main. T'embrasses ton mari. Merci. Oh, t'as un amour, ma chérie. Je te fais plein de bisous, ma belle. Je vous remercie et continuez, vous vous rendez pas compte que vous nous faites du bien, je vous écoute tout le temps au travail. Bah, t'es un ange. Bah, merci, ma chérie. Bisous. Et on parlait des gens qui bossent toute la nuit et tout, bah voilà, vous en faites partie des agents. Par contre, je suis un peu en colère après vous, vous en parlez pas beaucoup des agents d'entretien, etc. Bah, tu sais quoi, t'as raison de me le dire et j'oublierai plus jamais, puisqu'une fois je me suis fait engueuler par les aides-soignantes. Ouais. Et depuis, je les oublie jamais. Et t'as raison, c'est vrai, chaque fois on dit la nuit, qui bosse la nuit et tout. Les agents d'entretien, on le dit pas assez, t'as bien raison, ma belle. Je te saluerai tous les matins. Merci beaucoup. Tu sais quoi, on va faire un pari maintenant. Tous les matins. À 6h20, je saluerai Delphine, agent d'entretien. Je te jure, ma belle. Je t'embrasse encore très, très fort. Félicitations. Je vous embrasse. Gros bisous. Un ange, bisous. Ma chérie. Prochain tirage au sort pour le loyer. C'est dans une heure. Loyer au 7 ou 13 par SMS pour vous inscrire. Virgin Tonic. Et le Virgin Tonic, c'est le pop rock électro que vous aimez tous les matins. Et 21 Pilots, Ride. Bon réveil. Virgin Tonic. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm born. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. tous, c'est mercredi aujourd'hui. Courage à ceux qui sortent sous la douche. Non. De la douche. Il y a aussi ceux qui sortent de la douche, ils vont au soir avec des potes. Mais c'est une boîte de douche. Excusez-moi, je suis comme vous, hein. Je me réveille, on est très heureux d'être en tout cas. Courage à ceux qui sortent sous la douche. Les amis, en tous les cas, où que vous soyez en France, voilà, quel que soit ce que vous soyez en train de faire, merci de vous réveiller vraiment avec le Virgin Tonic. L'équipe est là, bien sûr. Oui, oui. Et j'ai un chiffre qui est hallucinant. Ouais. Vas-y. Il nous vient de l'Institut Novatrice. 22% des gens klaxonnent quand ils croisent un cycliste. Ouais. Alors je le fais pas. On avait parlé il y a quelques jours de klaxonner les gens qui font pipi au bord de la route. Oui, ça je suis d'accord. Plus d'un Français sur quatre. Ouais. Ça j'en fais partie. Ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on klaxonnait les cyclistes. Non, mais quand, je pense qu'ils parlent quand ils les doublent, tu sais, pour prévenir. Mais on n'a pas le droit, j'ai repassé le code il y a pas longtemps. Interdiction de klaxonner en ville. Vous savez aussi, alors je évidemment je vous mets à l'aise, hein, j'en ai pas. Mmh. Mais je sais, j'ai appris que les gens qui roulaient en Porsche, mmh, ils se faisaient code phare pour se dire bonjour. Ah, quand ouais, ils se croisaient. Jean-François. Eh, hey, t'es blindé, moi aussi. Salut, on est blindé, Jean-Mi. Ouais, moi aussi je suis blindé. Bon séjour. Je vous promets que c'est vrai. Parce qu'en fait, je voyais deux Porsche se croiser qui se sont fait machin. Ouais. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est et tout machin. Il me dit, parce que le gars devant une Porsche, l'autre aussi en face, et en fait, ils se disent bonjour. Je sais que les motards, quand ils ont le temps, font un petit salut. Mmh. Quand ils ont le temps. Mmh. Mais les, je savais pas, les gars font des belles voitures allemandes. C'est drôle. Salut, salut. Elle est belle la tienne. Elle vaut une blinde. La mienne aussi. C'est fou, Clément. Moi, j'ai un peu le même délire quand je prends les transports, mais que j'ai mon casque à la main de scooter. Et on se regarde avec les gens qui ont un casque à la main. À chaque fois, on se regarde, toi aussi, t'es tombé en panne. Ouais, il y a vraiment ça, il y a un vrai code, donc on se klaxonne à notre façon. On fait. C'est quoi le moment où vous, devez, où vous vous sentez obligé de klaxonner? Ouais, moi je le klaxonne moment, énormément. Moi je sais quand j'attends si quelqu'un libère une place. Ah ouais? Chaque fois je klaxonne parce que je suis pas du tout patient. Ah ben j'ai ce truc là. Vous n'avez pas des moments où vous vous sentez obligé de klaxonner, Clément? Que sur, alors sur les routes de montagne, dans les petits virages et tout, parce que là, chaque fois j'ai peur. Les routes, même vers chez toi, aux Ans, les routes elles sont tellement petites alors, quand oui, tu montes à la montagne. Ils sont tous venus chez moi à Noël dernier et ils ont peur des routes pour moi, qui pour moi sont des autoroutes. Ouais. Et pour vous, vous avez l'impression que c'est un. Mais t'as l'impression que tu passes pas à deux et qu'on va te jeter dans le ravin, donc tu klaxonnes à chaque truc de j'arrive, je suis là. C'est le moment où tu te sens obligé de klaxonner. Ouais. Nico du bureau. C'est vrai que mes parents ils habitent en fait, leur maison est juste derrière ce qu'on appelle une aiguille, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a une route derrière, mais qui est à 90 degrés. Et du coup, les gens klaxonnent. Une épingle. Ouais, une aiguille, on dit non. Ah non, une épingle. Ouais, une épingle. Une aiguille sans une botte de foin. C'est ça. Et du coup, les gens klaxonnent tout le temps devant leur maison, donc tout le temps devant chez mes parents, ça klaxonne en fait. Ah, c'est un enfer. C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Ah, mais complètement. Moi, c'est pareil, ma mère a voulu mettre un portail, mais elle a oublié de mettre la prise commandée au loin. Donc, à chaque fois, dès que t'as quelqu'un qui vient pour pas dire bonjour, t'as. Et faut aller faire. Bien sûr. C'est très, très, très pénible. Tiens, Fred, mon bichon, ça va? Bonjour Camille, salut l'équipe. Salut mon poteau, merci d'être avec nous au standard. Tu vas bosser le matin en voiture ou pas toi? Ouais, moi là je pars d'ici une petite heure et je pars en voiture. Et à quel moment tu te sens obligé de... J'avais préparé ça. À quel moment tu te sens obligé de... Bah dis-moi alors, de klaxonner? Bah le moment où je me sens vraiment obligé de faire... C'est quand on est sur l'autoroute, voie de gauche, et celui la voiture devant roule à 90 km/h, ça me rend fou. C'est 130, à un moment donné c'est 130. Je me suis jamais expliqué ça. Bah, faut faire des appels de phare, c'est moins dangereux quand même. Ouais, mais c'est d'abord appel de phare, toujours. Hein. Je fais d'abord appel de phare, mais c'est vrai que je me suis jamais expliqué les gens qui à gauche roulent, mais ils se rabattent pas à droite. C'est bizarre ça, Nico du bureau. Tu sais que ça, c'est aussi sur le code de la route, t'as pas le droit normalement, tu peux avoir une infraction si tu roules sur la voie de gauche alors que la voie de droite est libre. Bah, une voie de dépassement. C'est une voie de dépassement. Merci, Laure. Oui, Clément. Moi, je roule toujours au milieu parce que je me dis, si s'il m'arrive un truc, j'ai de la place à droite, j'ai de la place à gauche. Et tu sais, ça évite d'aller dans le côté. Non, non, moi, je suis très vigilant. Moi je prends à droite et tout machin. Je suis presque un peu relou en voiture quand même. Ouais. Je suis vraiment en mode bah il devrait pas faire ça parce qu'à un moment donné on met le clio au moins 100 mètres avant de dépasser. Oh. Je suis très pénible en voiture. Ouais, Pauline, mais Pauline au standard elle veut parler, elle a pas le permis. Mais non, justement j'allais te dire tu pourrais me former, je suis en train de passer le code. Ouais. Non. Non. Non. C'est sûr, non, non. Non, ok, d'accord. Ça n'arrivera pas. Fred, je t'embrasse très fort mon pote. Des gros bisous. Et comme on dit chez moi. Je t'embrasse Fred, des bisous, reste avec nous sur Virgin Radio. Et il est 6h30 déjà, ça passe à une vitesse dingue, donc on va faire un point sur l'actu. On va revenir dans un instant à vos côtés avec toute l'équipe et avec le pop rock électro des frérots de la Vega, le cœur et l'effort. Bon réveil. Virgin. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du beau temps aujourd'hui sur l'ensemble du pays, à peine quelques nuages sur les côtes de la Manche, mais le soleil va s'imposer au fil de la journée, 23 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 18 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 25 à Bordeaux et 28 à Avignon. La mort de Shimon Peres cette nuit à l'hôpital de Ramat Gan. L'ancien président israélien s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 93 ans. Il a été emporté par des suites d'un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres était une figure historique, dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Il avait reçu le Nobel de la paix en 94 pour avoir jeté les bases d'une autonomie palestinienne. François Hollande salue ce matin la mémoire d'un ami fidèle de la France. C'est la dernière grande réforme du quinquennat. Le prélèvement à la source sera présenté en détail ce matin en Conseil des ministres. Il fera partie du projet de loi de finances pour 2017. À l'avenir, l'impôt devrait donc être ponctionné chaque mois sur les salaires. Un automobiliste passe près de 4 ans dans sa voiture durant sa vie, 3 ans et 10 mois en moyenne, d'après une étude menée pour Citroën et publiée dans Le Parisien. Et l'on n'y fait pas que d'y conduire. La voiture est perçue comme un prolongement de la maison où l'on y boit, on y mange, on s'y maquille, on s'y rase, on y chante et on y fait l'amour. Bachar al-Assad a lancé une vaste offensive sur Alep en Syrie. L'armée syrienne, appuyée par son allié russe, a multiplié les raids sur les quartiers rebelles, faisant au moins 165 morts, la plupart des civils. Des soldats sont entrés hier dans un secteur situé sur la ligne de front. L'armée française, elle, est en train de préparer la grande bataille de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Le porte-avions Charles de Gaulle est envoyé sur Saône avec 1900 marins et 24 avions Rafale. La reprise de Mossoul devrait durer plusieurs semaines. Dans l'actu musique, les votes sont ouverts. La liste des nominés aux MTV Europe Music Awards 2016 a été dévoilée hier par la chaîne musicale. Grand favori Justin Bieber et Beyoncé avec chacun 5 nominations, dont celle de meilleur artiste. Adele, Lucas Graham, Shawn Mendes et Coldplay sont eux cités à 4 reprises. Dans la catégorie révélation, The Chainsmokers et Lucas Graham, que vous avez découvert sur Virgin Radio, les MTV Europe Music Awards 2016 le 6 novembre en direct de Rotterdam sur MTV. Côté sport, le foot avec la suite de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le PSG attendu sur la pelouse bulgare de Ludogorets ce soir à 20h45. Paris dans l'obligation de remporter s'il veut terminer en tête de son groupe, comme Monaco qui a sauvé sa première place hier avec un match nul. Très bon réveil. À vous tous sur Virgin Radio, 6h34. 6h30 passé de quelques minutes en tous les cas. Les amis, on vous souhaite un excellent réveil. Vous qui êtes en train peut-être tout juste d'ouvrir les yeux, d'autres sont déjà en route pour le travail. On embrasse les agents d'entretien de Brest. Ah oui, ouais, ouais. Ah bah, on est obligé. Et là aujourd'hui, on va saluer tous les agents d'entretien qui nous écoutent. Je me suis fait gronder sur le loyer, Nico. Ah, Delphine, ouais. Ouais, Delphine, elle a dit tu salues pas assez les agents d'entretien. Elle a raison. Je vous embrasse. Bisous, on le fera bisous. Toute la matinée. Laure, Clément, Pauline. Salut. Vous dormez comment l'équipe? Je veux dire, vous endormez avec quoi? Quelle position ou quelle tenue? Non, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez un film, vous écoutez un truc, rien, silence absolu, Laure? Moi je m'endors avec mon chéri, voilà. D'accord, donc vous ne demandez pas avec qui? Non, mais ne me demande avec pas. Avec ses ronflements? Non, je m'endors avant lui, tu penses? Alors ça par contre c'est très important. D'accord. Faut que je m'endorme avant lui. Mais pas de film, rien, pas de télé? Pas trop, mais non, comme moi, sinon j'arrive pas à dormir. Clément, quand je suis pas fatigué, je peux mettre un film. Quand je suis fatigué, je prends un livre, je m'endors en 2 secondes. En 2 secondes, ouais. Bah un livre, ouais. Pauline, au standard. Ben moi, soit série, soit musique, parce que j'ai des acouphènes. Donc j'ai déjà un bruit dans l'oreille constamment. D'accord, t'as déjà des maladies qu'on a à 102 ans. Des acouphènes à 22 ans, l'autre. Mais c'est 20, pas 28, possible. Mais dans les graves, c'est pas trop désagréable. Mais bon, ça va, je m'y fais. C'est vrai que depuis que j'ai de l'arthrite depuis mes 17 ans. Non mais attends, tu sais que moi j'ai eu des cheveux blancs à 17 ans. Ah ouais. Bon ouais. J'ai eu une mèche blanche et je l'ai eu à 17 ans, c'est horrible. Oui mais parce qu'à l'époque elle montait déjà sur son âge. Eh ben les amis, pourquoi je vous demande tout ça? Et ça va vous intéresser, vous tous qui êtes peut-être tout juste en train d'ouvrir les yeux. C'est que s'endormir en écoutant de la musique serait bénéfique pour notre mémoire. Ouais, ouais. Mais c'est pas bon pour les oreilles. Ah ben et ça stimule, ça dépend à quel volume. Ça stimule notre activité cérébrale pendant la phase de sommeil profond, ce qui renforce la mémoire. Donc vous endormant en écoutant un truc, vous aurez une meilleure mémoire, Laure. Mais moi, quand je passais le bac, c'est comme ça que j'apprenais mes cours. Je m'enregistrais mes cours et je me les passais la nuit. Ouais, Clem a fait pareil, mais ça n'a pas... Ouais, moi, j'avais plus de batterie. restez avec nous, les amis. On écoute les frérots de la Vega dans un instant. Pour le moment, c'est le réponse à tout. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Eh oui, les enfants ont réponse à tout. Laure le sait, elle est maman. Quoi qu'elle dise à sa fille, elle a une réponse. C'est sûr. Ben ça, c'est sûr. Et Clément l'a compris aussi, il les interroge chaque jour dans la rue. Et ce matin, avec eux, j'ai parlé de ma passion, de la musculation et de la salle de sport. Les adultes, ils vont dans des salles de sport. Pourquoi ils s'enferment dans des salles et en plus, ils payent pour faire du sport, à votre avis? Parce que c'est des pigeons. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, tu peux faire du sport sans payer. C'est vrai. Ok, mais là, si tu veux faire des pompes et tout, on va te regarder bizarre et tout. Ouais, mais si on le fait dans la rue, on gagne de l'argent, non? C'est aussi les gros snobs du bureau, ils veulent que être entre eux et tout. Ouais, en plus, à la salle de sport, genre, il y a une bonne ambiance et tout, t'es tranquille, t'as un intérieur, t'es au calme, tu fais ton sport et c'est, tu repars quand tu veux. Contrairement à la rue, on n'a pas le droit de se mettre torse nu parce que les lois l'interdisent et on paye une amende. La salle de sport, on peut montrer nos biscottos tout en séduisant les filles. Et est-ce que vous pensez que ça marche, la salle, ou pas? Bah ouais. Genre, tu vas à la salle, tu t'inscris, tu ressors vraiment comme un beau gosse? Moi, je pense que la salle, pour les mecs, c'est plutôt pour se rincer l'œil. Et aussi, surtout, si quand t'as pas c'est un corps de lâche, si t'as des corps de lâche, des corps de madeleine, moi, d'abord, je te conseille de faire chez toi. Et après, dès que tu commences à te former des petits biscottos, des petits abdos, et bah, tu vas à la salle de sport. Et là, tu deviens un mec populaire. Réponse à tout! Merci à vous tous de jouer le jeu chaque matin. C'est mercredi aujourd'hui, le 28 septembre. Je vous souhaite un très bon réveil. Et on écoute les frérots de la Vega tout de suite. Salut, c'est frérot de la Vega dans Virgin Tonic. Le cœur et les fonds. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Cœur éléphant, énormément, j'ai le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur et les fonds. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Bon réveil à vous tous dans le Virgin Tonic, merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite un bon mercredi, c'est jamais simple mercredi, un milieu de semaine pour vous tous qui allez partir au bureau, qui allez partir taffer. Et puis je sais pour les enfants, c'est l'après-midi UNSS. On fait de l'alpinisme, du handball et ce genre de sport qu'on déteste. On est tout cœur avec vous, en tout cas. Et aujourd'hui, le mercredi, c'est quoi d'autre? C'est les sorties ciné. Eh oui, les amis, c'est les sorties ciné le mercredi. On va donc se faire le bande-annonce game parmi vous tous qui m'avez appelé au 3916. Et l'un d'entre vous va repartir avec un casque audio Sennheiser d'une valeur de 350 euros. Wow. Et oui, voici le bande-annonce game. C'est très simple. des fausses bandes-annonces de films dans lesquelles on a glissé des paroles de chansons. À vous de retrouver de quel artiste sont les paroles. Ok. D'accord. C'est Damien qui a eu la chance d'être tiré au sort. Salut Damien. Hello Camille, salut toute l'équipe. Salut. Damien, je suis très heureux. Déjà, si tu gagnes un casque pour toi. Et puis surtout, pourquoi vous êtes si nombreux à vous inscrire chaque matin? C'est qu'au-delà du casque, les 4 gagnants de la semaine seront inscrits pour le tirage au sort de vendredi matin, puisqu'on vous offre, vendredi dernier, c'est un séjour à la Martinique, là c'est à la Réunion, un séjour d'une valeur de plus de 6000 euros. Écoute bien, une semaine à la Réunion pour 2 personnes avec Air Austral à l'hôtel Luxe Saint-Gilles. Hôtel, combien d'étoiles? 2 étoiles? 5. Non, je crois pas. Non. 3 étoiles? Non. Non, je crois pas. 4? C'est pas non. Ah, c'est pas assez. 6? Ça existe pas. 5 étoiles. 5 étoires l'hôtel. Classe. Magnifique. Pauline, je sais pas si elle veut prendre la parole. Hein. Ouais, là tu vas pouvoir être tranquille. J'arrive plus à savoir si Pauline prend la parole ou si elle veut juste zouker. Elle est derrière ce genre-là, elle a une main levée, elle est en train de danser comme ça. C'est un zouk ou une demande de parole? Mais c'est les deux. Ah bon? Non, j'allais dire, et en plus, à la Réunion, tu peux faire de la plongée avec les requins ou on te met, tu sais, dans une cage là. C'est génial, c'est mon rêve. De faire, ah, moi ce serait ma hantise. Ah ouais, mais t'es protégé, hein. Non, mais je sais, mais la cage et tout, mais c'est que moi je suis pas à l'aise sous l'eau et tout, j'aime pas la plongée, tout ça. Ah, voilà. Je sais que c'est magnifique. Ah, c'est génial, moi j'en ai fait là-bas, c'est magnifique. Mais moi je suis de la montagne, j'ai moins peur de. Il faut faire attention, mais j'ai moins peur des avalanches, des trucs. Toi. Et ouais, et j'ai peur des plongées, le monde marin et tout, ça me. Je suis pas à mon aise, quoi. T'es plus terre que mer, quoi. Exactement. Si tu veux parler, tu zoukes. Je te rappelle, hein. Il faut être Ginger qui est sur les réseaux sociaux. Il faut filmer les demandes de parole de Pauline. Dans le standard, c'est exceptionnel. Damien, on va y aller, mon bichon. Ouais. Bande annonce game. 3 fausses bandes annonces. Si tu retrouves de quel artiste sont les paroles, c'est gagné. C'est la première, on y va. Pour un berger, son troupeau de moutons, c'est toute sa vie. Pourvu que jamais il ne s'éloigne plus loin que le jet d'une sarbacane. Mais après une mauvaise manœuvre au bord d'une falaise, il ne restera plus qu'un seul mouton, qui deviendra son meilleur ami. Moi je ne dis rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le berger du sommeil de ses nuits. Je l'aime à mourir. Au Cinéma Vox de Strasbourg. À moi facile, j'ai. Facile. À moi j'ai, c'est sûr. Damien. Ouais, c'est Cabrel. Ouais. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. J'ai l'air à mourir tellement. Sur les larmes de mon plancher, moi c'est toujours le même film qui passe. Même film. J'adore. Ah, je pourrais m'écouter un album maintenant. Bah oui. Oh là là là là. Il est toujours pas venu nous voir, Francis Cabrel. Non. Hein. Non. Bah on l'a invité en même temps. Si, si, si, si. On l'a invité un paquet de fois. Mais depuis qu'il a plus sa moustache, il est un peu moins sympa, Francis. Oh non. Oh, il aurait pu venir depuis, mon Francis. Allez, je t'en veux pas, Francis. Tape mon 5 là, mon grand. Mais il fait électrochoc, par contre. La plus grande soirée électro qui arrive dans quelques jours aux Élites de Paris, organisée par Virgin Radio. Attention, Damien, on y va. Deuxième bande-annonce. Ouais. Si tu trouves celle-ci, c'est gagné. Wattie est un chien un peu spécial. Salut. Eh oui, il parle et il a son petit caractère. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Mais son motif, c'est une petite chienne des beaux quartiers qui a disparu. Elle répondait au nom de Bella. Tous les gens du coin voulaient pas lâcher là et me disaient « Méfie-toi de cette pékinoise ». Découvrez vite les aventures de Wattie au cinéma Max Linder de Ribérac. Plus récent. Les aventures de Wattie. Wattie. Je veux le voir, ce film. Wattie, mais. Non, mais c'est génial. Je vous jure, je veux voir ce film. Oh là là, Damien, t'as forcément retrouvé. Ouais, c'est Maître Dog Gims. Exactement, c'est gagné. Voilà. Bravo, mon Damien. Ils sont de temps, les films, je veux les voir. Francis Cabrel et Maître Gims, voilà, nos fausses bandes annonces te permettent de gagner. Ça, c'est fait. Casque Sennheiser Momentum, valeur 320 euros. Ouf. Et franchement, c'est un très très très beau casque. Je suis content parce que, en plus, ça fait quand même un an qu'on vous l'offre et c'est juste depuis une semaine que j'arrive à dire Sennheiser. Je suis content qu'ils aient insisté et qu'ils ne soient pas vexés, cette marque. Et en plus, tu l'as compris, ça fait une chance sur 4. On a eu un gagnant hier, on a eu un gagnant avant-hier, toi ce matin, et puis demain un dernier jeu. Et parmi vous 4, l'un repartira avec le séjour à La Réunion, d'accord? C'est la folie. En plus, quand j'ai dit à ma chérie que je me suis inscrit, elle m'a fait les gros yeux parce qu'elle déteste l'avion. Je lui dis, c'est pour La Réunion, elle m'a dit je veux. Ah ouais. Eh ouais, même là quand on a peur en avion, ça vaut trop le coup, mon pote, vous allez vous régaler. Ah bah là pour le coup, grave. Après, c'est pas encore gagné, une chance sur 4. Je te souhaite bonne chance en tout cas, quoi qu'il arrive. Je te reprends au téléphone en direct vendredi sans faute, mon pote. Tout de suite on écoute

Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Demain, dans vos hypermarchés Carrefour, pour l'achat d'un jeu FIFA 2017, recevez 5 euros en bon d'achat. Bon d'achat valable du 3 au 16 octobre, voire conditions et magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. Qu'est-ce que le bonheur ? L'univers a-t-il un commencement ? Juillet ou août ? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 euros avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face ? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Nouveauté. Virgin Radio. Where did the summer go? I found it in Monaco. On ne peut pas se manquer. Partout on entend l'écho. Dans quelques heures on sera dans les airs quelque part. Je n'emporte que tes bras et sur mon dos ma guitare. On avait ce rêve en tête et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Ah, sur les plages d'Hawaï, sur le palmier de Dubaï, à deux on imaginait un petit monde à notre taille. Allons faire le tour du monde et pas dans quelques secondes. Pas le temps d'hésiter, de nous faire tourner en rond. On avait ce rêve en tête et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Je vous souhaite un très très beau réveil à vous tous. J'espère que ça va bien. C'est mercredi, aujourd'hui le 28 septembre. Vous êtes plus nombreux chaque matin à démarrer vos journées avec nous, avec le Virgin Tonic. Oui. Ça nous fait très plaisir. Vous qui êtes déjà en voiture, vous qui êtes peut-être encore dans la salle de bain, avec le bouchon du dentifrice qui est passé sous le lavabo, ça fait un quart d'heure que vous êtes en train d'essayer de le récupérer. Et pourquoi ? Bah, sinon il durcit. Parce que votre chérie ne le rebouche pas. Oh. Mais si, moi c'est un drame ça. Chez moi. Bon, mais si, c'est un drame chez moi. Il le fait pas. Il le rebouge jamais, on se dispute toujours pour mais ça. Mais il est dentiste en plus. Bah, raison de plus, on est mais bien d'accord. Pas. Non, mais attends, c'est insupportable. Il y a des trucs sur lesquels il faut être vigilant. Voilà. Ma chérie me fait faire des bains de bouche maintenant, c'est bon signe. Ah non. Bon pour les gencives. Ouais, c'est ça, des trucs pour les. J'aime bien moi. Ouais. J'aimerais en faire toute la journée. Je vous jure, j'adore le truc là, le truc que ça fait. Ouais, ça fait la laine fraîche quoi. Non, c'est des trucs pour les gencives. Oui. Ouais. Ok. Oh, ok. Bon, ça, et vous savez ce qu'on fait après quand je recrache? Ouais. On garde tout et puis après on les amène aux Japonais en bas de chez moi. Oui. Et ils en font ce qu'on appelle les soupes miso. C'est horrible. Oh là là. Les amis, on plaisante. Et je voudrais avoir une grosse pensée pour toutes les mamans qui nous écoutent nombreuses le matin aussi. Parce que Laure qui est maman, donc elle est là avec nous. Et j'aime bien parce qu'elle est obligée de vivre des moments de vie de maman pendant l'émission. C'est vrai. Et qu'à un moment donné, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. On peut être Angela Merkel, patronne de l'Allemagne ou quoi. Quand t'es maman, il y a un moment donné, tu redeviens maman. Bah oui, ça te quitte jamais. Hein. Ça l'emporte sur tout. Bon là, je viens de faire une grosse gaffe, mais. C'est quoi? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pensais que ma fille commençait à se lever à 6h45, donc j'envoyais un SMS. Et en fait, pas du tout. Elle commence à 9h30, je me suis fait déchirer, elle a écrit en majuscule et tout. Oh. Alors, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez que entre Laure et sa fille, c'est assez bizarre parce que c'est la fille qui engueule Laure et Laure qui a peur de sa fille. Non, mais c'est quand même. Parce que je fais plus de conneries qu'elle. Donc, bah voilà, c'était pas du tout la bonne heure. Voilà. Donc, alors que ça partait d'un bon sentiment. Ça, bah oui, parce mais, que je m'inquiète. Ouais, tu connais pas par cœur son emploi du temps, Clément. Non, mais c'est pas la même génération. Nous, on reproche rien à nos mères. C'est même dur de leur dire un truc, non? Ah, tu peux pas. Moi, je sais que j'aime trop ma mère, mais il y a un truc que je supporte pas. Elle m'appelle mon poussin devant mes potes. Oh, c'est vrai. Je lui dis, maman, je t'aime. Peut-être qu'elle m'écoute à cette heure. Je dis, maman, je t'aime, mais si tu pouvais arrêter de m'appeler mon poussin, bah, elle se rend pas compte. Elle dit, mon poussin, t'as mis le truc là? Maman, non, son coussin. Son coussin, bien sûr. Vous voulez pas qu'on joue à ça? Tout le monde là, l'équipe. Vous aussi, tiens, on a plein de monde au 39-16. On a qu'à prendre Virginie. Salut Virginie. Salut à tous. Salut ma belle. Reste avec nous. Réfléchissez à un truc de. On aime tous nos mamans. Mais si on pouvait là, on en profite, lui passer un petit message quand même d'un truc qui nous saoule. Clément. Maman, je t'aime, mais arrête de vouloir me maquiller avec toutes tes patientes. Me maquiller? Non, me maquiller. Ah. Me maquiller. À chaque fois, elle me dit, ah là, j'en ai une, elle est superbe, elle est géniale. Ah, elle a ton âge en plus, c'est marrant, elle vient de se séparer et elle veut me maquiller avec toutes ses patientes. Elle fait quoi ta maman? De la luxoponcture. C'est-à-dire, elle s'occupe de toi et après tu as du luxe. Voilà. Non, c'est tu sais, pour arrêter de boire, fumer, maigrir, c'est les soins. Un peu comme l'acupuncture. Ah, c'est les chakras, tout ça? Pas forcément. Non, mais tu as des points du corps et des choses. Et c'est un peu comme diététicienne. Je sais, je vois pas ma mère souvent. Laure, oui. Est-ce que tu voudrais dire un truc à ta maman? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'elle arrête d'aller déjeuner avec mes copines sans moi, en fait. Elle est devenue pote. Mon père est pareil avec mes potes. Mon père est très pote avec mes potes. C'est bizarre, non? Ouais, moi, ça me fait plaisir, moi. Bah non, moi, ça me plaît pas. Donc, arrête d'aller déjeuner avec mes copines. Okay, maman, je t'aime. Si je peux me permettre, Laure, t'as l'air un peu tendu. Tu devrais faire un peu de luxothérapie. Parce qu'il y a des points du corps, tout ça. La maman de Clément t'expliquera ça. Okay. Ma petite Pauline, au standard, est-ce que tu veux dire un truc à ta maman? Après, je vais demander à Vidou. Oui, maman, je t'aime, mais quand je rentre le week-end à Bordeaux, je n'ai pas envie d'aller à tes cours de feng shui le dimanche matin. Feng shui, donc. Oui, on est sur du feng shui. Bah, feng shui, c'est on se détend en écoutant fun. Non, en fait, elle donne des cours dans un parc et elle a pas beaucoup d'élèves, donc elle me demande de venir avec les amis à moi. Pardon, je vais me tourner vers Laure et Virginie. C'est moi ou vous avez, vos mamans sont quand même très chelous, l'équipe. Non, elles sont de la génération 70, quoi. Donc elles sont à fond dans tout ce qui est bio, machin, feng shui, la thérapie. D'accord, Laure. Mais la mère de Pauline fait des soins aussi, elle est très très forte, elle fait du Reiki. Oui, elle a soigné Laure. Non mais c'est quand même incroyable, du Reiki, de la luxothérapie. Moi, ma mère, elle passe l'aspirateur de table. Ma mère, c'est le truc qu'elle adore. Moi, si je devais dire un truc à ma mère, c'est maman, arrête, elle a encore les petits aspirateurs de table. Et en fin de dîner, elle dit, bon, bah c'était bon tout le monde. Vous la dites, elle, c'est la femme la plus gentille au monde. Mignonne. Et elle passe le petit aspirateur de table. À chaque fois, je dis, maman, arrête, c'est la honte d'avoir ce truc-là. Elle fait pas de la luxothérapie, ma mère. Oui, Laure. Tu veux dire, c'est la folie d'avoir ce truc-là. Ma mère, elle a le truc encore à roulette qui aspire les miettes à l'ancienne avec le petit ballon. Voilà, ma mère, elle est pas en train de faire du yoga dans des parcs. C'est quoi, vos mères? Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Virginie, dis-moi, est-ce que t'aimerais adresser un message à ta maman? Oui, alors moi, voilà, c'est maman, je t'aime, mais arrête de me laisser des messages d'au moins 30 minutes sur mon téléphone, car le tien est resté dans le fond de ton sac. On appelle ça le pocket call, qu'on peut également appeler le maman call. Bah, bien sûr, oui, Laure. Mais nos mères, je pense qu'elles ont un problème de général avec le téléphone. Oui. C'est-à-dire moi, par exemple, ma mère, quand elle m'appelle, elle parle tout le temps à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle m'appelle. Et en même temps, elle peut discuter avec quelqu'un d'autre. Mais elle peut faire 5 minutes de conversation avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'elles ont un problème avec le téléphone, en fait. Mais toi aussi, t'es maman, et je te rappelle que tu sais plus trop manipuler un téléphone non plus. On est quand même obligé de t'aider à faire la moindre vidéo, quand même. Non, c'est pas. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est le principe d'une maman. T'es obligé d'être un peu largué. Virginie, merci d'être avec nous. Y a plein de monde au standard. Tiens, je vais vous demander dans un instant, vous aussi, de vous adresser à votre maman. Maman, je t'aime. Mais quand même, il y a ce petit truc, j'en peux plus. On va écouter Jonas Blue aussi dans un instant dans le Virgin Tonic. On fait un point sur l'actu et on est de retour dans 2 secondes à peine. Ne bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une tempête tropicale va balayer les Antilles dans la journée. En métropole, ce sera plutôt le calme plat, un peu de vent sur les côtes de la Manche, mais du soleil sur l'ensemble du pays. Le mercure 24 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Bordeaux et 28 sur le pont d'Avignon. L'info de la nuit à l'étranger, c'est le décès de Shimon Peres. L'ancien président de l'État hébreu s'est éteint dans son sommeil cette nuit à l'hôpital de Ramat Gan près de Tel Aviv. Il était âgé de 93 ans. Il a succombé à un AVC. Les médecins vont tenir une conférence de presse. Shimon Peres était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 94. En France, la présentation ce matin du prélèvement à la source. Le texte sera détaillé en Conseil des ministres. L'impôt devrait ainsi être directement ponctionné sur les revenus mensuels dès l'an prochain. Un projet qui devrait susciter des débats animés cet automne à l'Assemblée. Bernard Squassini, toujours en garde à vue dans les locaux de l'IGPN. La police des polices suspecte l'ex-patron de la DCRI de trafic d'influence à la tête d'une société de conseil en sécurité. Il aurait usé de ses anciennes relations dans la PJ pour en savoir plus sur une affaire en cours. 249 clients de prostituées se sont fait verbaliser. Premier bilan depuis la mise en place en avril de la nouvelle loi. À lui seul, le département de l'Aude totalise 20% des PV dressés au moment où la prostituée monte dans le véhicule. Tous les clients ont accepté de payer l'amende sur place pour ne pas recevoir de relance à la maison. La bataille des télécoms se joue désormais sur les contenus. L'idée, c'est de séduire un maximum de clients avec des offres pas trop chères et toujours plus étoffées. L'opérateur Free vient de frapper un grand coup en intégrant CanalSat dans ses offres pour 2 € de plus. Tout CanalSat Panorama et ses 50 chaînes pour 39,99 € par mois avec la Freebox Révolution. L'offre comprend également l'appli MyCanal. Beyoncé et Justin Bieber en tête de la course au MTV Europe Music Awards. Les deux artistes sont nominés chacun dans 5 catégories. Adele, Lucas Graham, Coldplay et Shawn Mendes en lice chacun eux pour 4 prix. La cérémonie aura lieu le 6 novembre à Rotterdam et bien sûr sur MTV. Incroyable retournement de situation hier soir en Ligue des Champions alors que Leverkusen était sur le point de battre Monaco. Le club de la Principauté a arraché le nul 1-0 grâce à une frappe de Kamil Glik dans les toutes dernières secondes du temps additionnel. Un but à la 94e minute qui permet à Monaco de rester en tête de son groupe. En revanche, Lyon s'est incliné 1-0 à Séville. Ce soir, Paris joue en Bulgarie. Très bon réveil. Maman, je t'aime, mais arrête de me mettre la pression pour faire des enfants. C'est pas possible. Les amis, vous aussi, participez avec nous. Vous allez sur les réseaux sociaux avec Ginger, en litou bien sûr. On lance officiellement hashtag maman je t'aime, mais quand même. On les aime toutes nos mamans, ouais. Mais il y a toujours un truc quand même qui est plus difficile. On est avec vous, on en parle depuis tout à l'heure. Je voudrais qu'on prenne Yvan aussi au téléphone qui vient de m'appeler au 3916. Salut Yvan. Ça va? Yvan, mon pote, tu voulais aussi donner un petit message pour ta maman, c'est quoi toi? Ouais, ma mère, c'est quelqu'un qui est pas du tout autonome. Et donc, je voudrais dire, maman, je t'aime, mais arrête d'essayer de m'appeler dès que ta box ne va plus, quoi. C'est comme tout le monde redémarre là. Mais vraiment, je dis, mais c'est vrai, si demain il sortait un film sur moi de 1h30, ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais sur le film d'une heure et demie, il y aurait 40 minutes de moi en train de réparer la télé de mon père ou la box de ma mère. C'est pas possible. Là, ils ont fait mieux quand mes parents y vont. Ils se sont fait arnaquer, ils ont mis une alarme. Vous savez, il y a un gars qui est passé un après-midi qui a dit mais il vous faut absolument une alarme dans cette région où personne ne passe. Donc, ils ont mis une alarme parce qu'il ne sert à rien, puisqu'ils ne quittent jamais la maison. Et donc, il y a une alarme chez eux et je ne sais pas combien ils payent par mois. Et l'alarme ne marche jamais. C'est-à-dire, elle sonne quand ils dorment, elle sonne pas quand ils sont pas là. Enfin, c'est n'importe quoi, Clément. Moi, ils m'appellent pareil pour la box et j'ai tourné ça en positif justement. Maintenant, je dis ouais, je fais au moins 2 heures de boxe par semaine. Je rentre pas dans les détails. C'est un technicien numérique. T'es un technicien numérique, Yvan? Non, je dis Clément, c'est un bon technicien numérique. Ah, mais c'est le meilleur. Je vais te dire, c'est le meilleur de tous, Clément. Bon, Yvan, merci d'être là, vous aussi. Hein, réagissez, on va vous rappeler dans un instant au 39-16. Et puis, c'est mercredi. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on vous a préparé. On va prendre soin de vous. Déjà, ça, je vous le dis, on a encore des cadeaux magnifiques. iPhone 7 à vous offrir ce matin. Ce matin encore, l'iPhone 7 à vous offrir. Et puis surtout, un loyer aux alentours des 7h20. Ne bougez surtout pas, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Avant tout ça, on écoutera Jonas Blue. Et puis, bien sûr, c'est la question de ouf de Clément. Question de ouf. Eh oui les amis, la question de ouf, vous laissez tous vos messages 01 84 07 08 09. Depuis hier, vous n'arrêtez pas. Exactement, et puisqu'aujourd'hui, on est mercredi, on parle cinéma, on vous a demandé de prendre 2 films, on le fait de temps en temps, et de mélanger. Par exemple, Allô maman, j'ai raté Les oiseaux et ta mère. On écoute. Alors le diable s'habille chez une copine. C'est un mélange de Viens chez moi, j'habite chez une copine et Le diable, ça vient en Prada. 20 milieux sous les ch'tis. Ou encore Les dents des seigneurs. Oui, bonjour, il y avait le cinquième élément mélangé au dîner de con. Ça faisait le cinquième con. Alors moi, si je mélange deux titres de films, ça fait Qu'est-ce qu'on a fait au Rasta Rocket ? Alors en fait, mélange entre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Rasta Rocket, bien sûr. Alors moi, je pense à Toys Gun. C'est des jouets qui se prennent pour des pilotes de chasse. Maman, j'ai raté Tanguy. Astérix et Obélix, Mission Impossible. C'est comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, mais avec Tom Cruise dans le rôle de Christian Clavier. Pour moi, La Belle et la Bête et le Truand, c'est une princesse qui se balade dans le Far West et qui tombe amoureuse d'une bête avec un chapeau de cow-boy. Brice et la chocolaterie, c'est l'histoire d'un mec qui fait du surf sur du chocolat. Question de ouf. Merci à vous tous de jouer le jeu chaque matin, les amis. On écoute Jonas Blue ? Oui. Perfect Strangers. Voilà ce qu'on écoute. Je vous souhaite encore un très très bon mercredi. Courage à vous qui ouvrez les yeux. Courage à vous qui êtes déjà au boulot. On pense très très fort à vous. On est à vos côtés chaque matin. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Réveil à vous tous, c'est le Virgin Tonic chaque matin, 6h, 9h. Allez, prudence, si vous partez de chez vous en voiture pour partir bosser. Il y a les enfants qui se préparent aussi pour l'école, je sais, le petit déj, la douche. Nous, on a toute l'équipe dans le studio, bien sûr, ouais, chaque matin. Et alors là, j'ai une grande nouvelle, je ne vous l'ai pas encore annoncée. Ouais. Mais l'équipe le sait, mais ouais, on ne vous l'a pas encore dit. Mais vendredi matin, en direct, on aura officiellement changé de studio. Ouais. On a un nouveau studio. On déménage, les amis. Ça va être un truc complètement dingue. Trop on bien. Prépare des surprises, hein, parce que évidemment, alors vendredi sera notre grande première. Déjà, la ratez pas, ça va être très marrant. parce que déjà le studio qu'on a depuis 3 ans, une fois sur deux la pub ne part pas. Ouais. Mais alors imaginez dans un nouveau studio, ça va être, je pense que ça va être assez marrant comme émission. Et puis on vous prépare surtout une inauguration avec un immense artiste qui prendra le nom du studio bien sûr. Ah ouais. Et on est en train de vous préparer ça, ça va être exceptionnel. On est comme des dingues. Ouais, c'est génial. Le nouveau studio, et celui-là on l'adore, mais le nouveau studio il est magnifique. Bah ouais. Et puis surtout, je vous le dis, on a lancé un appel hein, sur les réseaux sociaux, c'est ça ma Ginger. Hein. C'est sur les réseaux, Facebook et tout. Ça fait. Envoyez-nous une photo de vous, n'importe quoi, puisque dans notre nouveau studio, on aura un mur entier. Rempli de photos de vous. Et vous savez que toutes les photos, ça écrira Virgin Tonic 6h-9h. C'est génial. Génial. Vous serez avec nous chaque matin dans les studios. Et c'est tous vos visages de vous en train de vous réveiller avec nous qui seront là dans le studio. C'est un peu le vôtre aussi. Voilà, je suis comme un dingue. L'équipe l'a pas encore vu. Moi je l'ai vu en travaux, je suis allé 2-3 fois. Il est incroyable ce studio, Clément. Je précise parce qu'on a plusieurs studios à Virgin Radio. Des fois on dit on va dans l'autre studio. On déménage complètement, on va à quelques kilomètres. Mais on va à Quimper tous les matins. On change de ville quand même. Ouais, on change de ville, on va un petit peu à côté, mais vraiment le studio, vous allez halluciner. Et voilà, ce sera d'autres photos, d'autres trucs. On sera, c'est un nouveau départ. Ouais. Ouais. Un nouveau chez nous. Oh, c'est quoi, mais on se dispute avec Nico parce que nous on veut emmener tous nos trucs et il nous dit non, on n'emmène pas tous nos trucs, on repart à zéro. Non mais les filles sont insupportables. Il y a quand même beaucoup de boulot sur ce studio, tu vois. On bosse avec Robin, le réalisateur, etc. On essaie de tout mettre en place et les filles veulent emporter des choses de ce studio ici. Sauf que bah là, ici c'est ici et là-bas, ce sera le nouveau studio. On va mettre nouveau truc. Après, je vous dis aussi, c'est parce que techniquement, on veut arriver à ce que vous puissiez nous appeler directement dans le studio. Ouais. C'est-à-dire que le matin, il y aura un numéro, vous pourrez appeler, boum, vous tombez directement là, à l'antenne avec nous et tout. Il y a plein de choses aussi techniques qu'on veut améliorer pour qu'on puisse être encore plus avec vous le matin. Et on ne pouvait pas le faire dans ce studio-là. C'est aussi pour ça qu'on va avoir ce nouveau studio. Donc, on ne jette pas nos trucs, on peut les ramener, non? Moi, je peux comprendre, il y a des trucs qu'on ne jette pas. Il y a des trucs qu'on ne jette pas. Moi, je sais pas. J'en parle souvent. Ma mère me dit d'en parler trop souvent d'ailleurs, mais sa machine à croque monsieur. Ah, mais ça va, oui. La machine à croque monsieur Tefal de ma mère, je vous jure, elle est rouillée, elle est tout, mais je l'aime tellement, je la jetterai jamais. Je l'amènerai jamais dans le studio, je la garde pour moi. Hein, Clément. Les boules de pétanque que j'ai, je les ai au bureau depuis 2 ans. On n'a pas fait une seule partie. Alors je suis désolé, on laisse ce qu'on veut, mais les boules de pétanque, on les emmène dans le nouveau studio. Et là-bas, on jouera. Je suis d'accord, mon père a ses boules de pétanque, il adore. Mon père, il joue genre 9 parties par jour. Il est très bon en pétanque, mais il a ses mêmes boules depuis, mais 40 ans. Il veut pas les changer. Non, quand on a déménagé là récemment, donc en juin avec Juju, on s'est beaucoup disputé sur les trucs qu'on devait jeter l'un et l'autre. Et moi, il voulait absolument que je jette un cadre. Bon, j'avoue, le cadre, il est horrible. Mais tiens. Mais avec la première peinture de ma fille, premier truc qu'elle a fait, je peux pas jeter ça. Ah, j'ai vu la dernière déjà, c'est pas ça. Alors, j'imagine l'état de la première. Ça va pas être sympa. Il y a des trucs comme ça qu'on jettera jamais. Mais c'est vrai. Pauline, en standard. Moi, ma boîte à lettres d'amour. Dès que j'ai un coup de blues ou quoi, ou que je suis célib, je relis mes lettres d'amour, ça se jette pas. Moi, je les garde. J'ai une boîte où je garde toutes les photos, tous les mots de ma mère aussi, elle me dit juste pense à tes impôts, quand elle m'envoie un courrier, je garde tout. Ça fait beaucoup de courrier. Je vous jure, j'ai une boîte énorme avec tout. Fred, si demain tu déménageais, est-ce qu'il y a un truc que tu jetterais pas? Sois le bienvenu au 3916. Écoute, moi, en fait, j'ai une paire de babouches que mon père m'a ramené du Maroc. Ça se jette pas des babouches. C'est vrai, voilà, je peux pas les jeter. Après, c'est pas le truc que tu peux porter tous les jours. Je suis d'accord, Fred. Babouche, pas simple à porter tous les jours. Je suis d'accord. Mais en même temps, de toute façon, c'est déjà tellement pas confortable la première fois. Tu peux les garder 30 ans. Je veux dire, c'est déjà dès le début, ça va pas. Si, c'est des chaussons, quoi. Ouais, c'est très fin, c'est des chaussons, mais marche sur un Lego en babouche. babouche, il rentre dans le pied. Ça enlève pas beaucoup de douleur de Lego. Et si tu marches sur babouche en babouche? Babouche, le singe de doigt? Oui. Moi, j'ai babouche à la maison. À la peluche? Ouais. Vérifie, je crois que c'est un Yorkshire. Mon petit Fred, tu t'embrasses très très fort. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on a impatient, les copains, de vous retrouver. Bon, on est là tous les matins, bien sûr. Et dès vendredi, dans 2 jours, dans ce nouveau studio. Oh là là, ça va être une émission géniale. Et une inauguration, les amis. L'artiste qui va inaugurer ce studio. C'est incroyable. The Storm Bellas, restez avec nous. C'est dans le Virgin Tonic. Et puis, bien sûr, votre loyer à gagner. Loyer 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Tirage au sort dans 2 secondes à peine. Bon réveil. De 6h à 9h, Camille Combal est dans Virgin Tonic. Le magique anniversaire de But continue. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ce moment, moins 50% sur le canapé d'angle convertible Scoop avec coffre de rangement. 499€ au lieu de 999€. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous.

Delphine, agent d'entretien, à Brest. Oui. On l'a eu il y a une heure. Elle m'a rouspillé. Oui. Elle m'a dit, tu dis pas assez bonjour aux agents d'entretien. Elle a bien raison. Passe un bonjour aux agents d'entretien. Passe un bonjour aux agents doubles. Passe un bonjour aux agents secrets. Oui. Aux agents détergents. Aux agents de la RATP. Aux agents de la RATP. Delphine, 510 euros de loyer. Elle était tellement émue, tellement gentille qu'on lui a payé 2 mois. On a déjà fait donc pour plus de 1000 euros de chèque. On y va, deuxième tirage au sort. Bonne chance à vous toutes, à vous tous, où que vous soyez en France. Qu'est-ce que peu importe ce que vous êtes en train de faire, votre téléphone est peut-être en train de sonner en masqué. Faut prévenir, c'est toutes les heures. Là, il faut décrocher, il faut me répondre, Virgin Radio, c'est important. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là ? Véronique. Véronique, t'habites où, ma Véro ? J'habite du côté de Rouen, à Tuitongers. Ma petite Véro, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio. Véro, Véro, la la la la la, Véro, Véro, la la la la la, Véro, Véro, la la la la la. Oh là là. T'es contente, Véro ? Bah oui. Bah oui. J'entends que t'es déjà en voiture, ma belle. Sois prudente. Véro, tu fais quoi dans la vie ? Je suis responsable administrative et financière. Oula, oula, là, là, là, là. Pas déconner, tu vas nous faire un contrôle fiscal ? Non, je ne suis pas trop fiscal. Hein, t'es pas là-dedans. Bah, de toute façon, Pauline n'a pas. Vous savez, elle a oublié de payer ses impôts pendant plusieurs années. Elle est recherchée dans 3 pays. Arrêtez, j'ai pleuré et tout. Hein. Ah bah non, bah, c'est pas simple. Ma Véro, ma chérie, je suis très heureux de te faire ce chèque d'un montant d'un mois de loyer. Il est de combien ton loyer, Véro ? 925 euros. Eh ben bah, c'est fait. Ça fait 2000 euros de loyer offert en 2 tirages. Wow. Au sort, les gars. On est où là ? On est sur Virgin Radio, on n'est pas sur Virgin Radio là, les gars. C'est parti. Non mais faites le tour des radios, y'a qui dort ? 2000 balles en 2 heures là, les mecs. L'émission elle a commencé, y'a même pas 2 heures, ils ont lâché 2000 balles les mecs. On peut pas suivre les gars. On peut pas suivre, on fait comment ? On paye des factures, on paye des salaires, on suit pas là les mecs. Ils sont trop forts, 2000 balles à 7h20 les gars. Comment on va faire, les mecs, on suit pas là. Véro, je suis content, je rejoins Delphine. Prochain tirage au sort, c'est dans 1 heure, bien sûr, à 8h20. N'hésitez pas à vous inscrire au loyer au 7-12-13 par SMS. C'est peut-être vous le prochain gagnant. Il reste un tirage. Bonne chance à tous. On s'écoute les Stormbellas ? Ouais. Oh là là, quel kiff. La semaine dernière, on vous a quand même envoyé en Australie pour les applaudir. Quel groupe énorme. Spirits, vous l'avez découvert chez nous. C'est parti. Bonjour tout le monde. Nous sommes les Stormbellas on Virgin Tonic. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight. I'll be a dreamer till the day I die. They say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head. I'm just waiting for my day to come. And I think, oh, I don't wanna let you down. 'Cause something inside has changed. réveil à vous tous, mercredi aujourd'hui le 28 septembre. J'espère que ça va pour vous les amis, nous on est très heureux d'être là, hein. 6h, 9h du lundi au vendredi avec Laure, avec Clément, bonjour, avec Pauline. Coucou. On vous accompagne sous la douche, au petit-déj, en voiture, vous qui êtes déjà sur le chemin du travail. Bientôt 7h30, bientôt un point sur l'actu avec plus de 60 journalistes voilà, dans toute la France qui vous préparent une info qui vous concerne vraiment. Et puis juste après, comme tous les jours, 7h35, c'est Clément Lincruste qui arrive, une main devant, une main derrière, avec son réponse à tout. Il est descendu dans la rue poser des questions aux enfants. Je voudrais vous donner une info. Vas-y. Je sais que je le disais, plein de gens sont encore au petit-déj à cette heure-ci. J'ai les meilleures céréales pour le petit-déj. Ah oui, parce qu'on n'est jamais d'accord. Les meilleures. Alors, pas les meilleures en goût peut-être. Après, il y en a qui aiment, moi j'aime pas trop. Mmh. Mais en tout cas, celles qui font le plus de bien à l'organisme et tout ça. Oui. C'est le muesli. Ouais, ah, ouais. C'est évident. C'est hyper bon. Bon. C'est bon, t'aimes bien ? Ouais, moi je mets dans ma un chérie yaourt. Adore, j'aime pas. Ah ben fais ça. C'est trop bon. Mmh. Elle fait ça après avec un tout petit peu de miel. Et ben moi aussi. Et voilà, muesli avec. Il paraît que c'est les meilleurs. Moi, mes préférés, c'est Apple Minis. Ouais. Sachez qu'on n'est jamais d'accord. Tiens, 39-16, je vais vous demander aussi. On n'est jamais d'accord sur les meilleures céréales le matin. Mmh. Moi, Apple Minis, parce qu'il y a de la cannelle. Trop sucré. Et qu'est-ce qu'il aime, Camille ? La cannelle. Laure. Moi, c'est les spécial cas et je fais comme dans la pub, de temps en temps, j'en fais mon dîner. J'adore. Oh là là. Et je me réveille, j'ai un kilo de moins le matin. Et tu fais comme dans la pub, tu fais un cas à chaque fois qu'on mange avec ton corps. Ah non, ça, j'aime pas du tout, Clément. Je pense que tous les Français vont me rejoindre. Les trésors. Maintenant, ils font les trésors chocolat au lait, ils font les trésors noisettes. Et j'ai un très bon argument. C'est les plus chers, donc c'est les meilleurs. C'est du sucre, c'est ça m'écœure, ouais. Moi, ça m'écœure un peu de temps. Ah, j'ai pas fan de chocolat. Non. Donc c'est vrai que le chocolat dans le lait, comme ça, après, ça m'écœure. Je suis curieux de savoir Ginger, là. Alors, vous savez, c'est un peu la jeune de l'équipe, elle est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils mangent, là, les jeunes, là, les deux points, la génération 2.0, là. Qu'est-ce qu'ils mangent le matin? Et si je te dis les muesli, tu crois ou pas? Tu manges ça, toi? Oui, mais sans les raisins, par contre. Et sincèrement, je suis un peu toquée là-dessus. Je suis capable de passer un quart d'heure à trier les raisins. Ils en mettent trop, c'est une catastrophe. Les raisins secs. Ouais, c'est vrai qu'ils en mettent trop. Ah, je suis là, moi, j'ai horreur de ça. Donc, je peux pas te donner tort. J'ai pas trop muesli, mais les raisins secs et tout, ça me, j'aime pas. Ah, c'est trop moche. Je me dis, ça peut pas te faire du bien. Délicieux. Nico, du Burlingue. Moi, je suis aussi un peu toqué et effectivement, je trie. Et moi, c'est les Chocapic duo, en fait. Et je trie les chocolats blancs et les chocolats au lait. J'ai peut-être un truc. Achète les Chocapic duo. Bah oui. Parce qu'ils font pas les Chocapic chocolat blanc. Ça n'existe pas. J'achète les Chocapic duo, mais en revanche, c'est pas les délires. Pareil, j'achète des Twix, mais je mange que la barre de gauche. La barre de droite, je la sens pas. Elle me regarde de travers, celle-là, ça passe pas. Aurélien, tes céréales préférées, j'adore parce que c'est impossible qu'un Français soit d'accord avec un autre Français. Non, là-dessus. C'est clair. Il y a autant de marques de Français, ouais, j'ai l'impression. Aurélien, bonjour. Salut toute l'équipe. Salut. Salut. Dis-moi, beau gosse, qu'est-ce que tu manges le matin, toi? Alors, moi, c'est des Golden Grahams. Ah, ouais. Moi j'aimais bien les Golden Grahams, j'en mange pas, mais j'ai l'impression que ça apprend à jouer au basket. C'est ça. C'est l'impression d'être un américain en fait. Mais moi aussi, tu ouvres ton placard et t'as des Golden Grahams, tu dis ok, salut, oncle Sam. Non mais ouais, en vrai, j'ai l'impression que je vais savoir jouer au basket. Clément. T'es meilleur au basket avec les Frosties encore. Oh non, non. Pas si. Non. Avec Frosties, t'as mangé du tigre. Chaud l'hiver et froid l'été, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, rien. Avec le miel et tout, c'est trop bon. Dites-nous, quelle est votre marque de céréales préférée? Dans les Grahams? Miel Pops? Rice Krispies? C'est les seuls trucs, les céréales, où les Américains, ils s'embêtent pas, ils gardent le nom américain parce qu'on sait que ça fait un pas américain. Et dites-nous, on vous prend au 39-16 dans un instant. Tiens, il y a plein de monde au standard. Je vais vous demander. J'adore, personne n'est d'accord sur les céréales. The Avener, We Go Home. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Je vous l'ai dit, le temps de faire un point sur l'actu. On arrive, c'est le Virgin Tonic. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du beau temps aujourd'hui sur l'ensemble du pays, à peine quelques nuages sur les côtes de la Manche, mais le soleil va s'imposer au fil de la journée. 23 degrés en moyenne cet après-midi, vous aurez 18 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 25 à Bordeaux et 28 à Avignon. La mort de Shimon Peres cette nuit à l'hôpital de Ramat Gan. L'ancien président israélien s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 93 ans. Il a été emporté par des suites d'un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres était une figure historique, dernier survivant de la génération des pères fondateur de l'État d'Israël. Il avait reçu le Nobel de la paix en 94 pour avoir jeté les bases d'une autonomie palestinienne. François Hollande salue ce matin la mémoire d'un ami fidèle de la France. C'est la dernière grande réforme du quinquennat. Le prélèvement à la source sera présenté en détail ce matin en Conseil des ministres à l'Élysée. Il fera partie du projet de loi de finances pour 2017. À l'avenir, l'impôt devrait donc être ponctionné chaque mois sur les salaires. Un automobiliste passe près de 4 ans dans sa voiture durant sa vie, 3 ans et 10 mois en moyenne, d'après une étude menée pour Citroën et publiée dans Le Parisien. Et l'on ne fait pas que de conduire. La voiture est perçue comme un prolongement de la maison où l'on y boit, on y mange, on s'y maquille, où l'on s'y rase, on y chante et on y fait l'amour. Bachar al-Assad a lancé une vaste offensive sur Alep en Syrie. L'armée syrienne, appuyée par son allié russe, a multiplié les raids sur les quartiers rebelles, faisant au moins 165 morts, la plupart des civils. Des soldats sont entrés hier dans un secteur situé sur la ligne de front. L'armée française, elle, est en train de préparer la grande bataille de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Le porte-avions Charles de Gaulle est envoyé sur zone actuellement avec 1900 marins, des canons et 24 avions Rafale. La reprise de Mossoul devrait durer plusieurs semaines. Dans l'actu musique, les votes sont ouverts. La liste des nominés au MTV Europe Music Awards 2016 a été dévoilée hier par la chaîne musicale. Grand favori Justin Bieber et Beyoncé avec chacun 5 nominations, dont celle de meilleur artiste. Adele, Lucas Graham, Shawn Mendes et Coldplay sont eux cités à 4 reprises. Les MTV Europe Music Awards 2016, ce sera le 6 novembre en direct de Rotterdam et bien sûr sur MTV. Le foot avec la suite de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le PSG attendu sur la pelouse bulgare de Ludogorets ce soir matin. 45. Paris dans l'obligation de l'emporter s'il veut terminer en tête de son groupe, comme Monaco qui a sauvé sa première place en arrachant le nul 1-0, un but partout pardon, hier soir face à Leverkusen. Voilà pour l'actu, bon réveil. Les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. C'est mercredi, aujourd'hui, le 28 septembre. Prudence en voiture. Beaucoup sont aussi sur le point de prendre les transports. J'embrasse les collégiens, les lycéens. Mercredi, pour beaucoup, demi-journée. Mais du coup, après-midi de... Sport. Bah oui. Comment t'appelles ça, toi? UNSS. Bah, tout le monde appelle ça, non? Non, ça s'appelle l'AS. L'AS sportive. L'association sportive. Oui. L'association sportive, oui, Clément. Nous, ça s'appelle du sport. Les amis, on parlait des marques de céréales préférées. Oui. Qu'est-ce que vous aimez manger le matin? J'adore, je pense qu'on pourrait prendre 200 personnes au standard. Il y aurait 200 avis différents. On était avec Aurélien, lui, c'est un Américain. Aurélien, t'es là, Aurélien? Oui, pardon. Je suis désolé. Non, mais tu rigoles en même temps, en fait, c'est pour ça. Désolé, je suis en train de manger des céréales. Aurélien, sur toute la radio en même temps. Ouais, salut Virgile, attendez deux secondes. Stop! Ouais, génial, j'ai gagné deux places pour Booba à la Skyrim. Non, je te disais, Camille. Ouais, attendez, bougez pas. Ouais, radio trafic, c'est juste pour vous dire des bouchons sur la 14. Ok, je m'appelle Aurélien. Deux minutes de bouchons au péage de l'Andalouse. Merci à tous. Ouais, donc Camille, je te disais, les Golden Grams, c'est vraiment les meilleurs céréales. C'est vachement bien. Donc, Aurélien, c'est les Golden Grams. Aurélien, c'est un Américain. Voilà, Aurélien. Ça, voilà. Il est Américain, Aurél. On a Marine. Tiens, Marine, quelles sont tes céréales préférées à toi? Salut, ma belle. Salut Camille, salut toute l'équipe. Bah, moi, c'est les Choco Pops. À l'ancienne, un peu. Quand tu verses le lait, ça pétille. Je suis d'accord avec toi. Mais alors, Choco Pops, ma chérie, je vais te dire honnêtement, j'en ai beaucoup mangé petit, mais dans l'idée. C'est un peu en mode, tu peux avoir une voiture avec une boîte auto ou une boîte manuelle et tu gardes la manuelle. Ouais. C'est vrai, récent. Non, mais tu vois, ils ont tout à l'heure Clément en parlait, il y a le trésor au chocolat ou quoi. C'est bon les Choco Pops. Mais je me dis, c'est vrai que bon, moi j'aime pas trop le chocolat, mais j'irai sur un autre délire au chocolat. Tu vois, ça fait un peu à l'ancienne, oui Clément. Moi j'aime pas le chocolat, je sais jamais la différence entre les Choco Pops et les Coco Pops, pardon. Ça s'appelle Coco Pops. Ouais. Ah, c'est la même chose. Ouais. Ben voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. Mais les trésors, c'est pas chocolat, il y a un peu de l'intérieur, mais c'est un peu. C'est comme trop bon. Tu vas adorer, j'aime pas le chocolat, j'adore ça. Enrobé. Tu sais, enrobé. Tu sais Clément, quand on te voit arriver le matin, il doit y avoir un peu de chocolat quand même. Je dis dans les trésors, il doit y avoir un peu de chocolat un caché. Oui, non. Non, tu sais, c'est comme des cracottes en fait. Là, d'accord, le trésor. Non, mais les amis, on fait pas E égale MC, le trésor. Le lit. Je vous avais. Mais Aurélien, qu'est-ce que tu fais en même temps? Aurélien, qu'est-ce que tu fais en même temps? Là, il est sur la chanson, il imite Coluche là. Non, c'est mon patron qui me parle. D'abord, je suis obligé de répondre. Ah, mais on te laisse tranquille, mon pote. Mais ça va pas ou quoi? Aurélien, je t'embrasse très fort. Mais l'autre, il est avec son patron depuis tout à l'heure. Il nous dit pas. Mais tu es dans quel métier tu fais pour pouvoir parler avec ton patron en même temps de nous parler de Golden Grams? Je suis magasinier. Tu sais quoi, ne nous dis pas l'enseigne, juste je sais qu'il y a quelqu'un en France qui a commandé une chaîne IFI qui va recevoir une station météo. Parce qu'il y a Aurélien, il n'est pas aux affaires. Mais il y a forcément un gars, il n'aura pas du tout le colis prévu. Hein. Non, mais il sait pas que je suis à la radio en fait. J'ai fait croire que j'étais avec un client. En train de donner mes céréales préférées au client. C'est normal. Aurélien, je t'embrasse, on veut travailler, mon pote, on t'embête pas. Charlotte, c'est quoi tes céréales préférées à toi? Salut ma belle. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. T'es pas avec ta patronne à côté, hein? Non, mais ça m'a fait rire. Moi, c'est les miam pops. Ah, ah oui. Ouais, miam pops. C'est un classique, hein? Ah oui. Miam pops. Je vais vous dire un truc, Miel Pops, j'ai adoré, un peu écœuré. Ouais. Ma mère, elle m'en a tellement fait manger, mais le pire, ma mère, à un moment donné, elle s'était dit, ouais, il vous faut des trucs mieux pour l'organisme. Elle s'est mis en tête de nous faire manger des Weetabix. C'est trop bon. Ah ouais. C'est horrible. Oh, c'est trop bon. On dirait la planche de DiCaprio dans Titanic. Mais exactement. Et ça fond, et ça devient mou. Mais j'ai pire, j'ai les pires céréales au monde. Vas-y. C'est quoi? C'est le truc qui est immangeable, les All Bran. Ah, j'aime bien, le transit. Je dis pas que c'est pas bon, mais le All Bran, mais c'est que tu manges, mais on dirait que tu manges le transit de quelqu'un d'autre. Pardon. C'est affreux, le All Bran. C'est affreux. Oh là là, Charlotte, je t'embrasse. Marine aussi. Aurélien, je lui fais des bisous, il a raccroché. Hein, Aurélien, il est parti travailler à un moment donné. The After We Go Home, voilà ce qui arrive pour le moment. Attention, réponse à tout. Réponse à tout. Oh là là, on parle, on se met en retard. J'ai aussi la PS4 avec le jeu FIFA 17 à vous offrir ce matin, 39-16 pour nous joindre. Et Clément, donc, attention, réponse à tout. Oui, j'ai demandé aux enfants pourquoi c'est trop bien d'être une star. Pourquoi c'est bien d'être une star? Bah parce que tu gagnes plein d'argent. C'est génial d'être une star, parce que tout le monde t'applaudit, et les fans t'envoient des cadeaux. Des fois c'est des bonbons, et ça fait grossir. C'est trop bien d'être une star, parce qu'on voit plein de champagne. On voit ou on boit? On boit. Tu bois plein de champagne, toi? Non. Combien ça gagne une star? Je sais pas combien, mais beaucoup. À ton avis, donne un chiffre. Je sais pas, 100. 200. 200 euros? Ouais. Tous les mois? Plus, parce qu'il y a tous les spectacles. Alors moi, je dirais au moins vu tout le monde. Après, ça dépend si c'est une star connue ou pas connue. Est-ce qu'il y a des stars pas connues? Bah, moins connues que d'autres. Parce que les plus connues, les autres, elles coûtent plus cher. C'est genre qui, les stars super connues en France? Je sais pas, mais il y en a plein. Et les pas trop connues? Bah, je les connais pas. Réponse à tout! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. C'est mercredi aujourd'hui, le 28 septembre. On vous souhaite énormément de courage. Merci d'être avec nous. Y'a venir tout de suite. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh. Oh. Oh. supposed to think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. À vous les amis, vous êtes dans le Virgin Tonic, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix parce qu'on a des cadeaux très très beaux à vous offrir. Tiens, c'est un rêve ou réalité. L'équipe commençait à préparer une petite anecdote qui va arriver dans quelques minutes pour vous permettre de repartir avec la PS4 et le jeu FIFA 17 et puis iPhone 7. iPhone 7 qui sera à gagner aussi avant 9h pour vous tous. Couvrez les yeux avec nous, vous tous qui voilà, nous écoutez sur le chemin du travail. On vous gâte comme tous les matins. Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est les sorties ciné. Ouais. Vous savez ce qui sort un peu en ciné? Il y a le film de Danny Boone. Le nouveau Danny Boone. Ouais. Radin. Ouais. Ça te parle, quoi? Tu penses, c'est pour ça que je suis au courant. C'est Laure qui a écrit le scénar. qu'est-ce qu'on a? Que des trucs qu'on connaît pas. C'est calme, hein, cette semaine. Ouais, très très calme. Ah, il y a un film avec Denzel Washington, quand même, Les 7 mercenaires. Les 7 mercenaires, ouais. Ah. Denzel Washington, quoi qu'il arrive, t'es jamais déçu. Ah ouais? Ah, il fait ou un bon film, ou un juste film, ou de genre dès qu'il marche, ça explose. Mais même ceux-là, ils sont parce qu'il est tellement bon acteur, je trouve que même ces films-là, moi, il n'y en a pas beaucoup que je regarde, mais avec lui, j'y vais. Denzel Washington, il y a toujours un truc. Oui, Laure. Tu sais que c'est une légende, je suis paradine en fait. Elle revient là-dessus. Ouais, je suis paradine, non mais je suis paradine, c'est vrai. Et il y a plein de moments dans ma vie où je dépense mon argent sans compter. Et vous êtes un peu dur avec moi. Par exemple, moi, quand ma fille reçoit son bulletin, je vais chez Zara et je fais une radia et je dépense mon argent sans compter. Faut que ce soit pour des choses importantes. À quel moment, tiens, alors Laure, c'est un peu un événement, hein, mais à quel moment, vous aussi, l'équipe, vous pouvez dépenser de l'argent sans compter? Moi, c'est un peu cliché en vrai, mais c'est vraiment pour l'anniversaire de ma mère. Bah oui. Non, mais parce qu'en plus, elle aime pas des trucs de dingue ou quoi, donc ouais, je suis plus multitude de petits cadeaux. Bah oui. Qu'elle en ait même jusqu'à 7-8, mais des petites choses, parce qu'elle aime pas spécialement les trucs de dingue. Donc voilà, mais c'est vraiment le moment où je peux dépenser sans compter. Mm-hmm. Je vais vous demander aussi au standard, tiens, il y a du monde, il y a Lila qui est là notamment. Salut Lila. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. J'adore ce prénom, ma belle. Bah merci, c'est gentil. Ah Lila, je trouve que c'est un très beau prénom. Oui, Nico du bureau. C'est le prénom de ma fille. Ouais. Ouais. C'est un très très beau prénom. Ma Pauline, est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu dépenses sans compter? Ah ouais, je sais que c'est hyper important en plus pour vous les garçons. Moi c'est manucure, pédicure. C'est-à-dire que je pourrais le faire chez moi, mais en fait c'est hyper important pour moi d'aller en faire pour avoir les ongles impeccables. Déjà pour moi, et je sais que par exemple William, mon mec, il adore ça. Il me dit mais t'as toujours les ongles nickel. Ah moi aussi, j'avoue ça sur pour le coup le vernis et tout. S'il n'y a pas de vernis, c'est pas grave, mais le vernis est caillé ou quoi, je crains un peu. Ouais, c'est pas beau. Ah je crains un peu. Oh, j'ai mes petits goûts, bah alors. Bah alors, foutez-moi en zonzon, foutez-moi en prison, qu'est-ce qu'il y a? À quel moment vous dépensez sans compter? Lila, à quel moment tu peux dépenser ton argent, mais vraiment tu calcules plus? Bah écoute, moi c'est quand je suis sur le site d'Assos, tu sais, te paraît offert. Oui. Ils donnent même des codes de réduction à la page d'accueil, enfin du coup tu craques quoi, t'es obligé. J'adore, alors évidemment, parce que ma chérie va énormément. Je n'ai rien contre le site Assos, c'est le truc. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils mettent toujours moins 60% et tout. Mais sauf qu'ils mettent un prix à la base qui n'existe pas. Bah quoi. C'est ça. Tu n'as jamais vu le prix. Paire de sandales, 380 balles, moins 60%. Évidemment, les filles comme les garçons pour d'autres sites, mais on voit que le moins 60%. Ouais, on est comme des dingues. Tiens, on va prendre un garçon quand même. Victor, salut Victor. Salut l'équipe, salut Camille, salut à tous. Salut. Non, ça va très bien, mon poteau. Victor, je vais te demander aussi. Sans être radin ou pas, hein, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie pour un truc où tu sais que tu dépenses sans compter? Ben ouais, on a tous notre petit truc. Vous allez vous moquer de moi, je pense. Hein, je suis un peu une patate, mais moi, c'est quand j'arrive en resto d'altitude, tu sais, l'hiver à la montagne. J'adore. Quand je vois sur le panneau tartiflette, raclette, fondue savoyarde et tout ça, je peux pas résister, je suis obligé de tout prendre et de tout manger. Alors que tu sais que c'est des prix qui n'existent pas ailleurs. Tout à fait, et puis de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu es tout en haut, tu vas pas te redescendre jusqu'en bas pour manger, donc ben, tu achètes. Ouais. Je comprends, il y a des gens, ils redescendent, ils prennent un petit sandwich pour le télésiège ou quoi, et puis moi je peux être un peu comme toi. C'est vrai que quand t'arrives au resto altitude et que tu vois tous les trucs, moi il m'arrivait de tellement manger que je pouvais plus refaire les pistes après. C'est genre je me suis bardé. Ah ouais, vraiment. Alors on est deux. Ah bah ouais, Clément. Moi je fais l'inverse, je compte sans dépenser, je me mets en terrasse et je compte les gens qui descendent et je consomme pas. Pas mal non plus. Ça marche. Tu es bête. Eh, merci mon petit Victor. De rien, l'équipe. Et je t'embrasse très très fort, merci de te réveiller avec nous le matin. Et merci Malila. Merci, salut. Des bisous ma belle. On embrasse Lila, la fille de Nico. Elle nous écoute le matin? Ouais, bah elle va à l'école aussi, tu sais, elle est en maternelle, mais elle est très studieuse. Ouais, mais quand elle va à l'école, elle nous écoute. Mais avant d'y aller, ouais, elle nous écoute. Elle dit c'est papa et son copain Camille. Ah, bah c'est mignon. Papa du bureau. Oui. Restez avec nous sur Virgin Radio, on écoute DJ Snake, Let Me Love You. Bon réveil sur Virgin. This is Justin Bieber. This is DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Chaque matin, 6h, 9h, le Virgin Tonic, l'équipe reste avec oui, nous. Oui, oui. Ah ben bien sûr, et surtout on est à vos côtés. On va payer votre loyer. Dernier tirage au sort, 8h20 comme tous les matins. Loyer 7, 12, 13 pour vous inscrire. Et si c'est du pop rock électro que vous avez besoin pour vous ouvrir les yeux, c'est Coldplay qui arrive dans un instant. Bon réveil à tous. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis un poème d'Hugo. Tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin. Tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau. Tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre.

Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut. Je suis content parce qu'on casse les clichés sur Virgin, puisque quasiment tous les matins, c'est une fille qui s'inscrit pour gagner la PlayStation. Oui, mais c'est vrai. Je la veux, j'ai mes enfants autour de moi, on est à fond, on va trouver l'énigme, on va trouver la vérité. Eh ben j'écoute, c'est la toute dernière. Et en plus, c'est vrai que il faut dire, on avait sorti une étude, les femmes jouent dorénavant en France plus aux jeux vidéo que les hommes, c'est Nico. Vrai. Et puis la PS4, elle fait lecteur Blu-ray aussi, donc les filles, elles peuvent faire un petit film. Alors, pas mal, hein. Mais... c'est un jeu qui est pas simple, Massoso. Ils se sont concertés pendant les pubs. Laure, Clément, Pauline ont tous préparé une anecdote, mais une seule est vraiment arrivée. Après avoir entendu les trois, si tu retrouves la vraie, tu repartiras avec ton cadeau. On va commencer avec l'histoire de Laure. Alors, appendicite, ce sera le thème de mon histoire. En fait, j'étais en cours de sport en troisième, je voulais absolument pas aller courir et j'ai simulé une crise d'appendicite, enfin une crise de mal de ventre. Et je me suis fait opérer le lendemain de l'appendicite, en fait. Mais c'est l'histoire la plus improbable qui m'est arrivée. J'avais rien, j'avais un peu mal au ventre, mais j'avais rien. Et mon père m'a emmené aux urgences et tout parce que j'ai simulé vraiment à fond, quoi. T'es allé au bout du truc. Et je me suis fait opérer de l'appendicite le lendemain. Mais pourtant, bon, on verra. Moi, bon. Je veux pas. Je rappelle pour vous tous, hein, je ne sais pas du tout lequel dit la vérité ou pas. Après, je pense quand même qu'on passe 2-3 radios avant de vraiment juste croire à un enfant qui dit j'ai mal au ventre. J'avais vraiment un truc. C'est-à-dire que j'avais un petit peu mal au ventre. Ah, mais tu l'aurais peut-être eu un jour. Je l'aurais eu 2 semaines après, quoi. C'est drôle, c'est fou. Non, mais c'est dingue. C'est improbable. Je vous rappelle qu'il y a 2 personnes qui disent des mensonges. Je vois l'équipe qui font « c'est dingue, mais alors t'as des nouvelles des gens ?» Je vous rappelle à l'équipe qui apparemment n'a pas compris le principe, il y aura quand même 2 histoires qui seront fausses parmi les 3. Vraiment, Ginger n'a pas compris le principe du jeu. Attention, Clément, ton histoire, c'est le rêve ou réalité? J'ai fini aussi à l'hôpital, un peu moins longtemps, mais en CM2, j'étais gourmand et curieux et j'ai mangé ma gomme. Je la mâchouillais, je l'ai avalée, elle restait bloquée dans l'œsophage et j'ai dû aller, je crois, une après-midi ou une journée, je sais plus, à l'hôpital pour retirer cette gomme, les grandes gommes, quoi. Les grandes gommes. C'est marrant parce que l'histoire est plus probable que celle de Laure, mais elle est tellement mal racontée que tu sais que non. Mais non, mais les gommes, je sais pas quel nom, je voulais donner des détails. C'était une gomme bleue et rouge là. Raconté comme ça, t'aurais pu nous dire je suis sorti, ma voiture était à la fourrière, je lui dirais non, c'est faux. Pas de questions, on sait que clairement on sera dans du rêve de ton côté. Pauline, quelle est ton histoire? Je rappelle, un seul de vous trois va raconter une vraie histoire. Alors moi, le thème, c'est l'épilation. Donc la dernière fois là que je suis allée à mon épilation mensuelle chez Body Minute, il n'y avait pas Karine, celle que j'adore et que je vois à chaque fois. On parle souvent de Karine de Body Minute. Ouais, je l'adore. Gros bisous. Et donc du coup, là, il y avait une fille, donc Laetitia, et elle arrive, on se regarde, mais c'est pas possible, on s'est déjà vu. Et en fait, on s'était vu en Thaïlande, sur Koh Lanta. Et on avait fait un massage ensemble sur la plage. Donc c'était fou de se retrouver là, quoi. Sur Koh Lanta, l'île de Koh Lanta. L'île de Koh Lanta. Qui est une île avant d'être une émission télé. Oui. Exactement. Bien sûr, comme Motus. Sur l'île de Motus. toutes les émissions télé sont une île avant. Même nous, il y a une île du Virgin Tonic. Non, Laure, c'est pas vrai. Je croyais que ça marche. Donc t'avais croisé quelqu'un à Koh Lanta. Ouais, on s'était fait masser. Et vous êtes retrouvés par hasard. Mais elle m'a épilé. C'est quand même fou. Ouais, non, je veux dire, vous êtes retrouvés, voilà, c'était pas prévu. Ouais. Alors. Clément est clairement éliminé, je te dis d'avance. On ne sait pas. Ouais, vous m'avez pas posé de question comment ils m'ont sorti. 2 sur 3. Je connais Clément, je peux te dire que là, très mal raconté, on est sur du mensonge. Je ne sais pas mentir. Entre Pauline et Laure. Entre Pauline et Laure, je me tâte un petit peu. La première version paraît l'hôpital, la peine du chute, ça paraît. Alors moi je sais pas, je te jure ma chérie, ma Soso, je sais pas, moi j'ai qu'une envie, c'est que tu gagnes cette PlayStation. Mais la faute, sinon mes enfants vont mordre. Je vais te donner mon avis, ce qui est bizarre. C'est que l'histoire de Laure est beaucoup plus improbable, mais moi, elle me paraît plus plausible. Après, je te jure, ma chérie, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être Pauline qui dit la vérité. Je partage ton avis, je me dis, bon... Ça s'invente pas, quoi. Moi, j'ai un indice. Elle a simulé l'appendicite et elle a vraiment eu une crise d'appendicite. C'est faux, quand même. Clément, moi, j'ai un indice. Pauline a dit qu'elle s'était fait masser ensemble, alors qu'il n'y a qu'une personne aux épreuves de confort à Koh Lanta. Moi, je vois très Laure. Ouais, mais je vais rester sur l'appendicite. Je pense que voilà. C'est risqué parce que quand même c'est une histoire improbable. Laure, vous restez avec nous sur Virgin Radio. C'est vrai, quoi. Vous restez avec nous sur Virgin Radio. Vous aurez le dénouement de ce rêve ou réalité dans un instant. Parce que Je ne sais pas, mais si c'est la réalité, j'ai envie qu'on parle pendant une heure de cette histoire d'appendicite. Ah mais je la réopère de l'appendicite. Ah non, c'est un truc de dingue. Tu restes avec moi, Sophie. Vous restez tous avec nous sur Virgin Radio dans un instant. Laure nous dira si oui ou non. Elle est tellement mytho qu'elle a été opérée de l'appendicite pour rien. On écoutera le son de Coldplay, Hymn Force de mercredi. Je vous souhaite un très très bon réveil. Le Virgin Tonic de retour dans un instant. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une tempête tropicale va balayer les Antilles au courant de la journée. En métropole, ce sera beaucoup plus calme, un peu de vent sur les côtes de la Manche, mais du soleil sur l'ensemble du pays. Le mercure 24 degrés cet après-midi à Paris, 28 sur le pont d'Avignon. Et c'est une pluie d'hommage qui s'abat depuis l'annonce cette nuit de la mort de Shimon Peres. L'ancien président israélien s'est éteint dans son sommeil à l'hôpital, emporté par un AVC à 93 ans. Il restera comme l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des artisans de l'autonomie palestinienne. Il avait d'ailleurs reçu le Nobel de la paix en 94 avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Les messages de condoléances affluent du monde entier. François Hollande salue l'un des plus ardents défenseurs de la paix, un ami fidèle de la France. Manuel Valls estime, lui, que le monde est en deuil ce matin dans un message posté sur Twitter. Les proches de Shimon Peres s'exprimeront tout à l'heure aux alentours de 9h. La lutte contre le terrorisme reste la première préoccupation des Français, mais elle est de plus en plus talonnée par le chômage. Étude IFOP publiée ce matin dans la presse régionale. La sécurité et le chômage, deux sujets qui compteront beaucoup dans le vote des Français lors de la présidentielle de 2017, avant les impôts ou la question des migrants. À propos de 2017, autre étude à la une du Figaro, cette fois Alain Juppé qui reprend l'avantage sur Nicolas Sarkozy dans les intentions de vote au premier tour de la primaire de la droite et du centre. Baromètre Kantar Sofresse-Wine-Pente, le maire de Bordeaux l'emporterait au second tour grâce à une mobilisation des sympathisants du centre. La primaire ouverte à tous aura lieu sur deux tours les 20 et 27 novembre. La présentation ce matin du prélèvement à la source. Le texte sera détaillé en Conseil des ministres. L'impôt devrait ainsi être directement ponctionné sur les revenus mensuels dès l'an prochain. Un projet qui devrait susciter des débats animés cet automne à l'Assemblée. 249 clients de prostituées se sont fait verbaliser. Premier bilan depuis la mise en place en avril de la nouvelle loi. À lui seul, le département de Lot totalise 20% des PV dressés au moment où la prostituée monte dans le véhicule. Tous les clients ont accepté de payer l'amende sur le champ pour ne pas avoir à recevoir de relance à la maison. La bataille des télécoms se joue désormais sur les contenus. L'idée, c'est de séduire un maximum de clients avec des offres pas trop chères et toujours plus étoffées. L'opérateur Free vient de frapper un grand coup en intégrant CanalSat dans ses offres pour 2 euros de plus. Tout CanalSat Panorama, 50 chaînes pour 40 euros par mois avec la Freebox Révolution. L'offre comprend aussi l'appli MyCanal. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Bienvenue à vous tous, vous êtes ici à la maison, vous le savez, sur Virgin Radio, 8h passées de quelques minutes. Il y a des gens qui sont déjà au travail, déjà au bureau, d'autres sont encore à la maison. Et pour bon nombre d'entre vous, je le sais, en voiture, peut-être dans les bouchons, peut-être un peu plus de temps que prévu pour arriver au travail. On va prendre soin de vous jusqu'à 9h, avec Clément, bonjour, avec Pauline, coucou, avec notre petite Laure aussi. Salut. Notre petite Laure qui est au centre d'un jeu, si vous nous rejoignez à l'instant, on jouait au rêve ou réalité. Hein. C'est un jeu qu'on fait de temps en temps, l'équipe se concerte, moi je ne sais rien. Sophie qui était avec moi au standard ne sait rien non plus. Et l'équipe, l'équipe raconte trois anecdotes, mais une seule est vraiment arrivée. Il faut retrouver la vraie anecdote. Clément, il est éliminé, c'était clairement un mensonge. Arrête. Mais c'est bien Clément, c'est bien. Pauline, en trois mots, résume-nous notre histoire, ton histoire. J'ai rencontré une fille sur Koh-Lanta qui finalement est devenue mon esthéticienne. Oh, elle a pas dit ça tout à l'heure. Ouais. Ouais, c'est pas la même version. De toute façon, le choix est fait. Qui est devenue son esthéticienne sur l'île de Koh-Lanta en vacances. Laure, rappelle-nous ton histoire, puisque si vous nous rejoignez, Sophie a choisi Laure. Et l'histoire de Laure, elle est incroyable. Et je vais tout vous dire. J'aurais choisi Laure aussi, tellement j'ai envie que cette histoire soit vraie. Laure, raconte ton histoire. En fait, j'étais en troisième, j'avais gym, il fallait courir, c'était de l'endurance. et l'endurance. Et en fait, j'ai simulé un gros mal de ventre, une crise d'appendicite, mais je savais même pas ce que c'est une crise d'appendicite. Et donc, mon père est venu me chercher à l'infirmerie, il m'a emmené aux urgences, et aux urgences, ils m'ont dit, il faut l'opérer d'urgence, et je me suis fait opérer le lendemain de l'appendicite. Mais je n'avais pas du tout mal au ventre. Enfin, c'était, j'ai toujours un petit peu, voilà, c'est mon point sensible, le ventre. Mais donc, de là. Sauf que, parce que, évidemment, les médecins, ils opèrent pas de l'appendicite juste parce qu'il y a un enfant qui a dit qu'il y a mal. Donc, ce que tu nous dis, c'est que du coup, il y a eu les radios quand même, et qu'au final, t'allais peut-être faire une crise d'appendicite dans le mois. Et quoi. Je vais te dire même pire, le médecin a dit à deux jours près, c'était une péritonite, c'est-à-dire appendicite aiguë, genre crise et donc tout. C'est vrai! Déjà, alors, moi j'ai l'impression, déjà, Laure, c'est important parce que je rappelle que le rêve ou réalité va peut-être te permettre de gagner une PS4. Est-ce que c'est vrai, Laure? Vous savez que je suis une grosse mytho, mais là c'est vrai. Mais c'est incroyable. Déjà, ma Soso, ouais, ça c'est fait, la PS4 est pour toi. Donc je sais que Sophie, elle, ce qui l'intéressait le plus, c'est d'avoir la PS4, et je comprends tout à fait. Avec le jeu FIFA 17. Ma belle, ça c'est gagné pour toi et pour tous tes enfants. Je sais que c'est pour tes enfants que tu voulais la PS4 aussi. Ah, génial. Oh, vous êtes des amours. Tu les embrasses très très fort, ma belle. Mais alors, quand même, mais j'en reviens même pas de cette histoire. Donc, mais en fait. C'est tellement fou, je me suis dit, ça. Voilà, ça s'invente pas. Ça s'invente pas, justement. Mais surtout, tu nous racontes, ma chérie Laure, depuis quand même 3 ans qu'on fait toutes nos matinées ensemble, tu nous as raconté tellement de trucs sans intérêt. Et c'est au bout de 3 ans que tu dis, tiens, et si je racontais l'idée, j'ai découvert mon appendicite sans faire exprès. Avec toutes les anecdotes pourries qu'on a eues depuis 3 ans. Non mais c'est incroyable. Ah non mais cette histoire elle est complètement folle. Donc en fait. Mais tu sais qu'en plus je ne l'ai jamais dit à mes parents. Je n'ai jamais dit à mes parents que ça partait d'une simulation. Jamais. J'ai 40 ans, je ne l'aurais jamais dit. Ben, c'est fou ce truc, enfin, tu vois. Et vraiment, mais tu sais, en plus, t'as l'impression mais d'être. Vous savez que c'est pas la première fois, parce que la fille de Laure, Lily, ça partait d'une simulation. Et au final, regardez aujourd'hui, elle est plus heureuse que tout, il y a personne qu'elle aime plus que sa fille. Les amis, cette histoire, elle est incroyable. Et tu sais, t'as l'impression que t'es pris dans un engrenage, en fait, tu peux plus revenir en arrière, t'as menti, et tu te retrouves sur le billard, et tout, c'est horrible, en fait. Mais c'est un truc de dingue, Clément. Tu sais que je crois que j'étais le même jour dans le même hôpital, le jour où ils m'ont retiré la gomme. C'était l'histoire de Clément, mais alors personne n'y a cru à cette histoire. Les amis, dans un instant, Coldplay pour le pop rock électro, mais tout de suite, c'est parti, on y va, c'est la question de ouf. Question de ouf. Allez, je suis toujours impatient quand ce rendez-vous arrive, parce que c'est vraiment vous qui nous faites marrer avec tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Et aujourd'hui, on vous a demandé, comme le mercredi c'est cinéma, de mélanger 2 titres de films. Alors, Le Diable s'habille chez une copine. C'est un mélange de Viens chez moi, j'habite chez une copine et Le Diable s'habille en Prada. 20 milieux sous les ch'tis. Ou encore Les Dents des Seigneurs. Oui, bonjour, il y avait Le Cinquième Élément mélangé au Dîner de con. Ça faisait Le Cinquième con. Alors moi, si je mélange 2 titres de films, ça fait Qu'est-ce qu'on a fait au Rasta Rocket? Alors en fait, mélange entre Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu et Rasta Rocket, bien sûr. Alors moi, je pense à Toys Gun. C'est des jouets qui se prennent pour des pilotes de chasse. Maman, j'ai raté Tanguy. Astérix et Obélix, Mission Impossible. C'est comme Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais avec Tom Cruise dans le rôle de Christian Clavier. Pour moi, La Belle et la Bête et le Truand, c'est une princesse qui se balade dans le Far West et qui tombe amoureuse d'une bête avec un chapeau de cow-boy. Brice et la chocolaterie, c'est l'histoire d'un mec qui fait du surf sur du chocolat. Question de ouf. Merci à vous tous de jouer le jeu chaque matin, les amis. Coldplay, voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le pop rock électro du Virgin Tonic. Vraiment, courage, c'est mercredi, on est avec vous aujourd'hui. Hi, this is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Tonic. All angels from above, you know you made my world light up when I was down, when I was hurt, you came to me. You came to rain and flow. Salut à tous, bienvenue sur Virgin Radio si vous nous rejoignez. Vous nous rejoignez peut-être pour la première fois même, hein. Vous êtes tellement nombreux à changer vos habitudes radio, à avoir zappé, rester chez nous. Ça nous fait tellement plaisir depuis maintenant plus de 2 ans qu'on est là. Vous pouvez même pas vous imaginer. Il y a Laure, il y a Salut. Clément. Bonjour. Il y a Pauline. Coucou. Vous êtes peut-être dans les transports à cette heure-ci. Peut-être à l'arrêt Gare Lille-Flandre. Ah oui. On est allé plusieurs fois avec l'équipe faire les émissions. Vous avez raté le tram. Allez, prochain, c'est dans 10 minutes. J'ai un petit peu les infos. J'arrive en direct de la gare de Lille-Flandre. Les amis, dans un instant, votre loyer. Vous le savez, loyer au 7-12-13. Mais avant, je voudrais qu'on fasse un point sur notre hashtag du jour. Ouais. On a lancé un hashtag. Hashtag maman, je t'aime. Mais quand même. J'aime bien, c'est le mec qui traîne. Maman, je t'aime. Mais il y a forcément des choses qui vous agacent, mais qui vous peut-être vous contrarient chez votre maman. C'est le moment. Venez sur Virgin Radio pour le dire. Clément. J'en ai un. Maman, je t'aime. Mais arrête de croire que parce que je fais de la radio, je connais tout le show business. Des fois, elle me dit genre, si tu croises Bruel, tu lui dis que sa nouvelle coupe de cheveux, c'est pas top. C'est génial. Alors, en plus, j'ai dit, voilà, pour toutes les mamans de l'équipe, nous, on connaît personne. Voilà. C'est-à-dire, vraiment, c'est clair. Si on peut pas vous aider. Il y a peut-être nous, vraiment, voilà, on peut pas passer un coup de fil à Calogero, tout non. ça. Non. On n'a pas les coordonnées des gens. Oui, Clem. Ouais, il me fait que le truc comme ça, genre, si tu vois Jean-Jacques Goldman, dis-lui qu'un nouvel album, ce serait peut-être pas. Mais il fait quoi de ses journées? Tu le vois souvent ou pas en journée? Non, c'est ça le plus drôle, c'est quand j'arrive à ma femme. Mais il fait quoi la journée, avec Pokora? Mais maman, je sais plus. Il doit kiffer, j'imagine. Mais je pourrais pas te dire. On a rappelé Sophie, on a appelé Arthur qui ont laissé des messages sur les réseaux. Et vous êtes tellement nombreux, merci beaucoup. Hein. Massoso, est-ce que toi aussi tu voulais adresser un message à ta maman? Sois la bienvenue. Oui, coucou tout le monde. Salut. Alors moi ça serait maman, je t'aime. Mais arrête de me dire, je te l'avais dit. Ça c'est pas ça truc dans ma vie privée. Bah ouais. Je te l'avais dit. Ouais, c'est insupportable, Laure. Oui, c'est insupportable. Mais il y a un truc qui est énervant, c'est que les mères, elles ont toujours raison, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc le je te l'avais dit, il est légitime, quoi. Ouais. Parce que toi, t'es en maman, donc tu te dis. Alors là, pour le coup, je parle vraiment par rapport à ma mère. Ma mère, elle a toujours raison. C'est insupportable. C'est insupportable pour moi de le dire. Surtout qu'elle nous écoute, mais elle a toujours raison. Elle a toujours raison, c'est Clément. C'est juste la suite du je te préviens. c'est ça. Hein. Je t'avais dit. Voilà. Je t'aurais prévenu. Je t'avais dit. Je te préviens. Si ce que tu vas dire est pas intéressant, ça va chauffer. Ok, je dis pas. Non, vas-y. Non, elles sont intuitives. Par exemple, ma mère, dès que je rencontre un garçon et que je lui présente, elle sait exactement combien de temps ça va durer. Elle me dit 6 mois. Je t'avais dit. Ouais. Tiens, Arthur, toi aussi, tu voulais dire un mot à ta maman. Sois le bienvenu ici, t'es chez toi au 3916, c'est votre antenne, c'est le Virgin Tonic. Je t'écoute, mon pote. Eh ben coucou tout le monde. Hello. En fait moi c'est donc maman je t'aime mais arrête de m'appeler tous les soirs quand je sors, savoir si je suis bien rentré quoi. Ah mais c'est normal. Ouais, ouais. Hey, 33 ans là ça suffit. Ah ben écoute moi je suis à 35, moi il suffit que ça coupe dans mon ascenseur, si je rappelle pas ma mère c'est je me suis fait violer dans mon ascenseur. Mais genre l'ascenseur et c'est quand même 20 secondes entre là, le moment où ça coupe et le moment où je rentre chez moi. Et ma mère c'est mais non mais j'étais inquiète, ça a coupé. Ouais. Non, j'étais dans mon ascenseur, dans mon immeuble. Mais on sait jamais ce qui arrive dans les grandes villes. Ouais. C'est comme ça les mamans, Laure. Moi pareil, je te rappelle, je vais faire des courses, elle m'avait dit envoie-moi un SMS quand tu rentres. Je dis maman, je vais au Monoprix, qui est à 2 mètres de la maison. Tu te calmes. Mais elle sait que tu vas devoir sortir la carte bleue, c'est pas bien. Je t'avais dit. Je t'aurais prévenu. Oui, Nico du bureau. Mais surtout quand elles sont pas au courant, elles t'embêtent pas en fait. C'est-à-dire que il y a plein de fois où tu sors, tu rentres à 4-5 heures du mat et elles sont pas au courant et elles te demandent rien. Et par contre, moi je sors plus beaucoup, mais je peux vous dire que si je me vais faire rien qu'un dîner d'amis, je m'endors un peu tard ou quoi, avec cette voix-là, j'appelle ma mère, c'est sorti hier. Non, pas du tout, non, je suis un peu fatigué. Moi, c'est ça, ouais. Clément. Non, moi elle est pas inquiète, elle sait qu'on tient pas à deux dans ton ascenseur avec moi dedans, donc je peux rien m'arriver, personne peut me violer. Les amis, j'embrasse très fort Arthur, Sophie, puis vous tous, continuez de réagir. Hein. Hashtag maman, je t'aime, mais on vous repassera à l'antenne d'ici la fin de l'émission. Et vous nous le réclamez énormément, ça c'est une nouveauté découverte sur Virgin Radio, ce sera numéro 1 dans le monde entier dans quelques semaines. Mike Perry, The Ocean, voilà ce qu'on va écouter juste après le loyer qui arrive aussi dans 2 minutes, bougez pas. Bah, pourquoi tu cries? Tu viens d'apprendre que maman venait ce week-end. Mais non, je suis énervé là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors pourquoi tu t'énerves? Eh bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Pour le magique anniversaire de But, en ce moment, moins 50% sur le canapé d'angle convertible Scoop. 499 € seulement. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. C'est sensationnel. Enfin, ma chérie, on dit sensationnel. Mais non, maman, c'est sensationnel. À la Halle, c'est jusqu'à moins 50% sur plus de 3000 modèles. Ah oui? Et pour être mode de la tête aux pieds, c'est tout de suite maintenant. Moins 50%. Ah, ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Offre valable jusqu'au 10 octobre. Conditions en magasin sur lahalle.com. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais bronzé, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Fort de France au départ de Paris à partir de 398 € aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et bonne nouvelle, il va faire assez beau aujourd'hui sur tout le pays. Une belle journée, très ensoleillée sur l'ensemble des régions. À peine quelques gouttes possibles ce matin sur les pays de la Loire. Vous aurez 18 degrés cet après-midi à Brest et à Cherbourg, 19 à Deauville, 21 à Lille, 22 à Colmar et à Biarritz, 23 à Strasbourg et Chambéry, 24 attendus à Paris, à Valence, à Nice et à Perpignan, 25 pour Bordeaux, Lyon et Ajaccio. La maximale 28 degrés cet après-midi du côté de Pierrelatte et d'Avignon. Très belle journée avec nous. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Justin au 88 000. Justin Timberlake, encore un hit. Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88 000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 € par semaine, DGP. Virgin Radio, partenaire de Naïve New Beaters. Salut les gars, on est les Naïve New Beaters sur Virgin Radio. Vous les avez découverts sur Virgin Radio. Retrouvez-les dans toute la France pour une tournée à la folie. Le groupe de pop le plus chaloupé de France passera par Paris, Toulouse, Lyon et bien d'autres villes près de chez vous. Avec Virgin Radio. Tournée des Naïve New Beaters. Naïve New Beaters. Avec Virgin Radio. Chattez par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre suivi du numéro de votre département au 62333. S'affiche 30 actes sortis par SMS à coût d'envoi, service modéré et animé. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Feder. Le nouveau Shawn Mendes. I know I can treat you better than he can. Petit biscuit, petit biscuit. Le nouveau Feeling Jean. Virgin Radio. Rock, electro. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Et bien sûr que je paye votre loyer, les amis, mais je suis pas tout seul, il y a toute l'équipe, bien sûr. Oui, à part Laure qui met la main à la poche avec moi pour vous faire plaisir. 6h20, 7h20 et 8h20. On embrasse très fort tous les agents d'entretien, notamment Delphine de Brest. Oui. Je lui ai promis que sur tous les loyers, je lui dirai bonjour. Delphine, c'est notre première gagnante ce matin, donc de Brest. On lui a fait 2 mois de loyer. Elle était tellement émue, les amis. Ouais. Elle nous a tous mis les larmes aux yeux. Ouais, j'ai l'impression que c'était la fin de Ghost ou d'Armageddon. Je vous jure, elle était mais tellement mignonne. On l'embrasse encore. Donc 1 020 € de loyer pour elle. Puis Véronique, 925 € de loyer du côté de Rouen. On est déjà à 2 000 €. Voilà, ouais. 2 000 € de loyer offert. Et il reste un tirage au sort. Maintenant, vous l'avez compris, loyer au 7-12-13 par SMS. Pour vous inscrire, c'est le texto, vu le nombre que je reçois de SMS tous les matins. Je pense que vous avez bien compris le numéro. Parmi tout cela, une machine tire au sort. Une personne, on la rappelle. Vous me redites Virgin Radio. Et c'est gagné. Suspense. Vous et vous dépensez le chèque comme vous voulez. Hein. Nous, on vous fait le chèque de votre loyer, de votre mensualité. Allô, de crédit. Vous en faites ce que vous voulez. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Sébastien. Comment tu vas, Sébou? Ah, super. Ah, je suis content d'entendre le Sébou, là. Ça, c'est la voix d'un mec sympa. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est la voix d'un mec content. Ah, ouais, ouais, t'as la voix. En une seconde, je vous dis, ça, c'est la voix d'un mec sympa. Tu viens d'où? Ah, je viens de la Destrousse, dans le sud. Région PACA, là. Eh oui, on y est. Près de Marseille, juste à côté. Oh, c'est un peu plus loin que Marseille, Destrousse. C'est pas très loin quand même, hein. À 20 minutes, 25 minutes. C'est où, sur la route de Cassis? C'est ça. Eh oui, Destrousse, j'adore pas ce loin, nom. C'est pas loin. Il y a une ville qui a un nom incroyable en prenant cette route-là. Oh là là, comment... La Bouilladis. La Bouilladis. Ah, ben, juste à côté. Et voilà, ben oui, je connais minutes, bien. 3 minutes. Je connais bien, mon pote. Alors, mon Seb, j'ai une question pour toi quand même. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer à Destrousse et dans toute la France? Ben, c'est Virgile. Ouais. Ah oh, mon Seb, tu sais quoi, jamais de la vie, quand je me suis réveillé ce matin pour aller au travail, j'avais pensé que t'allais m'appeler. Je suis heureux. Tu fais quoi dans la vie, Seb? Je suis boulanger. Oh là là, okay. C'est... Un boulanger Banette? Oh, un vrai boulanger. Ouais, je suis heureux. Qu'est-ce que tu es heureux. Et je vous êtes adore, hein, vraiment dans le sud. Moi, j'y passe tous mes super. Étés avec Aix-en-Provence. Mes parents sont là-bas. Mais vraiment, on vous a au téléphone. C'est vrai, hein? Ouais. Trop sympa. Toujours le sourire. Le vous nous mettez le sourire. Ça fait plaisir, les copains. Quand vous voulez, vous venez boire le café. Y a pas de souci. Vous pouvez venir avec Baba, y a pas de problème. Je viendrai avec Aduna, y a pas de problème. Oui, ma petite Pauline au standard. Seb, c'est le garçon, quand t'arrives dans une soirée et qu'il n'est pas là, tout le monde demande où est-il, Seb? Y a pas Seb. Oh non. Je vais y aller. Ah ouais, tu sais, dès que tu dis, mais Seb est où? Il peut pas venir. Oh non, je l'adore. Ah ouais, Seb, tu l'adores quoi. Oui, Laure. Il y a quelqu'un qui connaît un Seb pas sympa? Bah non. Ah non, c'est pas encore, ouais. Mais ça existe pas, les Seb sont sympas. Seb, t'as un loyer de combien? 2000 euros. Eh ben, c'est moins sympa. C'est dur. C'est depuis que je me suis marié, écoute-moi. C'était la plus grande folie. Ah ben, non mais en plus, non mais sans blaguer, 2000 euros ou 2000 euros? Non, 1000. Oh, okay. Je vis pas dans un château, ouais. De toute façon, peu importe votre loyer, on vous le rembourse. C'était juste pour être sûr de bien faire le calcul. Donc ça veut dire 3000 euros offerts ce matin par Virgin Radio de loyer. C'est quand même hallucinant. Ouais. Sébastien, t'es votre dernier gagnant du jour. Je t'embrasse encore très fort, mon pote. Wow, franchement, merci beaucoup, hein. Génial. Hein. Jamais j'aurais cru. Hein. Franchement, tu m'as... J'allais dormir tout à l'heure et ben je vais pas dormir, tu vois, là je vais m'amuser. Eh ben régale-toi mon pote, ça me fait plaisir. Je suis très heureux de t'avoir entendu ce matin, c'est notre dernier gagnant du jour. Et puis je vous rassure, hein, le loyer de retour demain. Voilà, 6h20, 7h20, 8h20, ce sera peut-être votre tour. Mike Perry, The Ocean, bienvenue sur Virgin Radio. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite encore un très bon réveil. Même si vous n'avez pas encore la pêche de Sébastien, il est boulanger, il est depuis 2h du mat. Oui, ouais. Eh ben on va s'occuper de vous jusqu'à 9h. Vous arriverez au travail avec le sourire. Comptez sur nous. Virgin Radio. Come on, say ça. Virgin. Ma chérie. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air. tous, mercredi le 28 septembre, bientôt 8h30. Bientôt un point sur l'actu, vous l'avez compris, vous qui avez l'habitude de vous réveiller avec le Virgin Tonic. Bientôt le réponse à tout quand on est descendu une nouvelle fois. Posez des questions aux enfants dans la rue à cette heure-ci. Courage, hein, si vous déposez encore les enfants à l'école, là c'est du jetage par le toit au vent. Directement, parce que vous êtes très en retard. Ouais. Et puis peut-être que les autres sont déjà en route pour le travail. Soyez prudents les copains. Tiens, j'ai chopé le classement des applis les plus achetées sur iPhone en ce moment. À votre avis, c'est quoi? Tu as une appli qui en ce moment cartonne selon vous? Bah, toujours les Candy Crush Plus, ils en sortent toujours. Il y a toujours ça, non? Bah non, justement, j'aurais dit Pokémon. Ah oui. Ouais, bien sûr. Eh ben non, numéro 1 d'appli la plus achetée sur Internet, c'est 7 minutes d'exercice à faire chaque jour. Ça s'appelle 7 Minutes Workout. Ouais, je connais. Elle vaut 3 euros et en fait, elle te donne des exercices à faire chez toi tranquillement avant d'aller bosser. Prenez là pendant 7 minutes. Il paraît que c'est très bon pour la santé. C'est la plus téléchargée. Il y a aussi FaceTune. C'est que en fait tu parles en FaceTime mais qu'avec des Tunisiens. C'est FaceTune, c'est appel au hasard et qui que ce soit qui décroche, je fais allô, comment ça? Ça marche là-dedans ou pas? Ça va ou pas? Comment ça marche? On me voit dans le microphone, tu m'entends? Ça va fils? Voilà. Est-ce qu'il y a une appli qui sert à rien sur votre téléphone, l'équipe? Franchement, je vais vous demander aussi au standard, est-ce que vous avez, parce que je trouve que peu importe gratuite, payante ou quoi, on télécharge tous des applications qui nous servent à rien. Et on les garde, l'or. Oui, moi j'en ai une, ça s'appelle Vestiaire Collective. C'est un truc de filles qui mettent leurs affaires en commun. C'est ça. Oui, c'est quoi? Non, c'est drôle, mais parce qu'on connaît pas, le nom est bizarre. Ah, ouais, le nom est bizarre. Bah, Vestiaire Collective. Oui, on voit bien que c'est. Pardon d'être des mecs, être excité dès qu'il y a le mot vestiaire et collectif. Excusez-nous, on est des mecs. Hein. Voilà. En fait, c'est un truc d'échange, de fringues et tout. Oui. Mais en fait, je me rends compte que je préfère le faire avec mes copines en live et que j'aime pas le faire avec des gens que je connais pas. Mais l'appli, c'est ça, je connais pas du tout. Oui, c'est ça, c'est une appli où tu, en fait, tu vas échanger tes fringues sur un sur cette appli quoi. Et sur et donc tu dis moi je veux plus ça et tu peux échanger quand... Ah mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal mais au final bah on le fait avec nos copines, nos cousines, nos sœurs, enfin donc du coup bah je le fais. En étant nu? Ouais. Pardon, on est des mecs. Hein. Ouais. On est des mecs. Hein. Ouais. Clément, est-ce que t'as une appli qui sert à rien? Ouais, je pense que c'est pareil, l'appli chambre copine. Non, mais non, mais toi t'as une appli qui sert à rien, c'est Tinder. C'est pas gentil. C'est une appli de rencontre hein, pour il ma mère. Ah, c'est pour rencontrer les gens. Ah, je pensais que juste fallait regarder les photos. C'est pour ça. Non, l'appli santé, je l'ai pas téléchargée, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir si j'ai fait 200 ou 400 pas dans la journée? Ah, moi je trouve ça génial. Ça change quoi? Bah, ça change de. Tu regardes en fait, tu peux comparer par rapport à une autre journée ou quoi? Je trouve ça pas mal, moi. Ouais, j'ai fait 4 pas mardi, puis 5 jeudi. Oui, toi, c'est assez calme. Clémence, ma chérie, au 3916, est-ce que t'as une appli dans ton téléphone qui sert à rien? Salut, ma belle. Oui, coucou Camille, coucou toute l'équipe. Salut. Alors moi, c'est l'appli de la banque, parce qu'en fait, bah, je retiens jamais tous les codes. Donc du coup, je me connecte jamais sur l'appli de la banque. Voilà. J'ai l'appli de ma banque et j'ai jamais les codes et donc je peux pas du tout y aller. Nico du bureau. On est d'accord qu'en plus, l'identifiant, on dirait un code Wi-Fi de 23 lettres et que tu peux pas le changer en plus. Bah si. Non, l'identifiant, tu peux. Ah bah chez moi, on peut changer. Ah ouais, t'as mis quoi? Comment te dire? Les amis, dites-nous aussi, quelle est votre application qui vous sert à rien? Celle que vous avez sur votre téléphone, mais c'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle vous sert à rien. On en parle avec vous. On va écouter aussi Foster the People. J'avais envie de vous mettre ça pour le pop rock électro. C'est détente, mais c'est cultissime. On va l'écouter sur Virgin Radio, du bon son comme ça. Il y en a que chez nous le matin entre 6h et 9h. On fait un point sur l'actu. On revient avec Clémence, avec toute l'équipe, avec vous tous au 3916. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour Miss MAF. Alors moins cher. Mais encore. Encore moins cher mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clic MAF Auto sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clic MAF Auto et clac, moins 15%. Avec Clic MAF Auto, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. Et l'écart moyen de tarif entre le contrat Clic MAF Auto et le contrat Auto MAF. Contrat consultable sur maf.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du beau temps aujourd'hui sur l'ensemble du pays, à peine quelques nuages sur les côtes de la Manche, mais le soleil va s'imposer au fil de la journée. Vous aurez 23 degrés en moyenne cet après-midi, 18 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 25 à Bordeaux et Lyon, 28 pour Avignon. La mort de Shimon Peres cette nuit à l'hôpital de Ramat Gan. L'ancien président israélien s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 93 ans. Il a été emporté par des suites d'un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres était une figure historique, dernier survivant de la génération des pères fondateurs fondateur de l'État d'Israël. Il avait reçu le Nobel de la paix en 94 pour avoir jeté les bases d'une autonomie palestinienne. François Hollande a salué ce matin la mémoire d'un ami fidèle de la France. Plusieurs projets d'attentats ont été déjoués à Nice depuis le 14 juillet. Des précisions seront livrées ce soir dans un documentaire réalisé par France 3 Côte d'Azur. Un extrait révèle que les cibles envisagées étaient des lieux de culte, des rassemblements, des manifestations sportives, des écoles et des stades. Plusieurs événements sportifs ont d'ailleurs été récemment annulés dans la région et le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes du 13 novembre est toujours en sursis. C'est la dernière grande réforme du quinquennat. Le prélèvement à la source sera présenté en détail ce matin au Conseil des ministres. Il fera partie du projet de loi de finances pour 2017. À l'avenir, l'impôt devrait donc être ponctionné chaque mois sur les salaires. Bachar al-Assad a enclenché une vaste offensive sur Alep en Syrie. L'armée syrienne, appuyée par son allié russe, a multiplié les raids ces derniers jours sur les quartiers rebelles, faisant au moins 165 morts, la plupart des civils. Des soldats sont entrés hier dans un secteur situé sur la ligne de front. L'armée française, elle, est en train de préparer la grande bataille de Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Le porte-avions Charles de Gaulle est envoyé sur zone avec 1900 marins, des canons, des artilleurs et 24 avions rafales. La reprise de Mossoul devrait durer plusieurs semaines. Et puis c'est aujourd'hui que seront présentés les premiers résultats de l'enquête pénale sur le vol MH17 de la Malaysia Airlines. L'avion avait été abattu le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine. 298 morts. L'objectif est de faire la lumière sur le type exact du missile qui a frappé le Boeing reliant Amsterdam à Kuala Lumpur et surtout le lieu d'où il a été tiré. L'actu musique avec la liste des nominés au MTV Europe Music Awards 2016. Elle a été dévoilée hier par la chaîne musicale. Grand favori Justin Bieber et Beyoncé avec chacun 5 nominations, dont celle de meilleur artiste. Adele, Lucas Graham, Shawn Mendes et Coldplay sont eux cités à 4 reprises. Les MTV Europe Music Awards, ce sera le 6 novembre à Rotterdam. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Bienvenue à tous sur Virgin Radio. Merci de nous rejoindre peut-être tout juste à l'instant pour ceux qui ont la chance d'encore tout juste ouvrir les yeux. D'autres sont, je le sais, déjà arrivés au travail. Vous passez la porte du bureau, vous évitez le regard de certains collègues parce que vous n'avez toujours pas mis dans le pot commun de l'anniversaire d'André. Je connais ça. Il y a 2 semaines et que vous avez dit ouais, je te filerai les 20 balles et vous les avez toujours pas donnés. Et donc vous évitez ces gens-là. Je le sais très bien. Restez avec nous en tout cas. On est là jusqu'à 9h avec le son de Foster the People qui arrive dans un instant. Heureux de l'entendre, enfin, j'espère que ça vous fait plaisir aussi, dites-le nous sur les réseaux. On parlait avec vous il y a un instant des applis qui ne servent à rien. Oui. Les applis qu'on a téléchargées, payantes ou gratuites, qu'on laisse sur notre téléphone, elles ne nous servent à rien. Clémence, toi c'était la banque parce que tu perds toujours les codes. Ouais, c'est ça, je me souviens jamais des codes et en plus c'est vrai que c'est des codes limite wifi, ça fait 15 mètres de long. Donc du coup j'ai l'appli sur mon téléphone mais je l'utilise jamais. C'est vrai que en vrai on connaît que la langue est quand même difficile, il n'y a presque pas de voyelles. En fait les mots de passe de banque on dirait juste c'est mots de passe mais en turc. Je suis sûr c'est juste ça, tu en fait t'écris mots de passe en turc et ça te permet d'accéder à tes comptes Clément. Et surtout quand t'as besoin de voir c'est quand t'es un peu ric-rac et quand t'as perdu le coq faut appeler ta banquière. Et c'est le moment où t'as le moins envie de l'appeler dans le monde en fait. Bah, quand tu vas sur l'appli en général c'est que t'es en situation d'urgence. Ouais. Hein, en code rouge. Pauline, est-ce que t'as sur ton téléphone, t'es pas très nouvelle technologie? De plus en plus. Ah, je m'intéresse. On y vient. Est-ce que t'as une appli qui te sert à rien? Ouais, c'est Tickle Me. En fait, c'est une appli qui fait vibrer ton téléphone quand tu le chatouilles. Ça n'a aucun sens. Mais ça m'a fait rire, mais bon, 2 minutes quoi. Mais je l'ai toujours. Tickle Me, dès que tu chatouilles ton téléphone, il se met à vibrer. Ouais, que tu le grattes un peu ou que tu le secoues un peu. Je rappelle que t'as un chat. C'est le principe d'un chat aussi, qui sert à peu près qu'à ça, un chat. Oui, bah, finalement. Au final. Non, ça sert pas qu'à ça. Pourquoi j'ai de la Non, ça sert à écouter tes problèmes de cœur. Et à te juger quand tu t'habilles. Ah, la tristesse de la vie de Pauline. Antoine, est-ce que toi aussi tu m'appelles au 3916, t'as une appli qui sert à rien sur ton téléphone? Salut mon pote. Oui, bonjour les copains. Ouais, moi j'ai une application, c'est Instamatic. C'est une appli sur le montage photo. En fait, ça te permet de faire des petits montages, mais bon, c'est marrant 5 minutes, quoi. Après, c'est relou. Ça va faire 3 mois que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, voilà, c'est faire des petits collages photo. Alors j'entends pester l'or dans le micro. Bah oui, ça m'énerve. Bah, d'abord, c'est mon appli préférée. Moi, je pourrais enlever toutes mes applis, sauf celle-là. Tu pourrais enlever ton Facebook ? Je peux enlever toutes mes applis sauf celle-là. Non, mais en vrai, je te signale que c'est les photos que je te fais et que t'adores à chaque fois et que je t'envoie à chaque fois et que tu postes sur Twitter à chaque fois. C'est grâce à cette appli que je l'ai fait. C'est les filtres très jolis dans ça. Et tout avec le cadre et tout, Hipstamatic, mais c'est ma passion absolue. Hipstamatic, d'accord. Ouais. Bah, Laure n'est pas d'accord avec toi, Antoine. Ouais.

réveil à vous tous. C'est mercredi aujourd'hui, le 28 septembre. Et j'espère que ça va. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter au travail, d'autres en voiture. Tu as aussi plein de gens à la maison. Oui. Plein de papas, plein de mamans au foyer, plein de gens voilà, qui passent la journée voilà, à travailler de chez eux. Merci en tout cas, les amis. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette nouvelle journée. Oh là là, il y a Laure qui est. Elle est pas bien depuis ce matin, ma petite Laure. Il y a Clément qui est là. Oui. Il y a Pauline, bien sûr. Laure, c'est la plus près de moi dans le studio, hein. Ouais. Et je sens qu'elle est ronchon ce matin. Oui, ouais, ça, je suis un petit peu ronchon parce qu'en fait, Juju, il a une nouvelle assistante. Ça me met pas bien. Bon, voilà, c'est pas grave, alors, ça va passer, mais. Il faut expliquer aussi, c'est pour ça que je dis ça, c'est que des gens nous écoutent à la maison et c'est vrai qu'on fantasme souvent sur le lieu de travail de son conjoint. Ouais. Voyons, parce qu'on sait pas, on n'y va pas, il y a aucune raison qu'on aille sur le lieu de travail de son conjoint. Donc on se dit souvent, on se dit, ouais, non, mais il y a une nouvelle stagiaire, tout de suite, c'est OK. Ouais. Quand vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme, ouais, il y a une nouvelle stagiaire, tout de suite, c'est OK, il y a une nouvelle fille de 19 ans, à bombe atomique, exactement, qui est en train de faire des photocopies en jupe courte. Non, mais surtout, c'est pas la vraie vie, ça, hein, surtout, Clément. Non, mais Laure, là, vient de nous dire, il y a une nouvelle assistante. Hors antenne, nous a dit, il est avec une bombasse au travail. Il paraît qu'elle est magnifique. En même temps, pardon, Laure, hein, mais ton chéri est dentiste. Ouais, il est beau gosse. C'est pas possible. Mon chéri est dentiste, beau gosse. Pardon, excusez-moi. Non, mais il est dentiste. Et ouais, c'est vrai que le côté, justement, hein, dans beaucoup de films américains, tout, l'assistante dentaire, l'assistante du dentiste, il y a un côté fantasme. Non, mais surtout que jusqu'à présent, c'était Tata Jojo, son assistante, et que j'étais tranquille puisqu'il était avec sa tante. Donc je n'avais aucune angoisse. Mais c'était vraiment sa tante. Mais oui, jusqu'à présent. Et là, maintenant, il en a une, et je la connais pas et tout. Enfin, et puis en plus, elle a un prénom qui termine par un H. Je sais pas pourquoi je me fais un trip avec les nanas qui ont un prénom qui termine par un H. Non, mais bon, c'est bon, c'est n'importe quoi. Je suis jalouse, c'est bon. Le surnom, attrape-moi, c'est pas. Ça va, c'est pas choquant non plus. Thierry, je te prends mon assistante, attrape-moi. Bonjour, Manol. Arrête, arrête. Si elle a un accent, alors là, je meurs. On a déjà Alex avec l'accent, là, c'est bon. Oh là là là là, les amis. Y a-t-il des moments où vous êtes jaloux comme ça? Bon, Laure, c'est à tous les moments de la vie. Ah ouais. Mais y a pas des trucs que vous avez fait par jalousie un peu dingue? Je vais vous demander au standard, Pauline, tiens. Si, mais moi j'ai déjà commencé avec William, c'est-à-dire que je lui dis pas quand je rentre à Bordeaux, enfin je lui ai fait là pour la première fois, je dis ah non, mais tout est annulé, je dois rester et tout. Et en fait, je rentre quand même. Et quand j'arrive chez lui, je vérifie qu'il n'y a pas justement la fameuse Electra avec qui il travaille. Et il travaille avec une Electra? Ouais. Mais il est quoi? Il est X-Men? Non. C'est quoi son métier, tout mec? Non, mais c'est quoi? Non, mais en vrai, c'est un Avengers ou pas? Non, mec, non, qui travaille avec quelqu'un qui s'appelle Electra dans la vie. Mais qui, mais c'est quoi ce nom? Mais à quel moment on travaille avec? Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier dans la vie où on peut travailler avec Electra Dupont? C'est pas possible, Clément. Bah, maître nageur Carmen Electra, c'était Alerte à Malibu. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est impossible. Une Electra, les amis. Je te jure qu'elle s'appelle Electra et je crois qu'elle est américaine et polonaise, un truc comme ça. Elle est magnifique, hein. C'est hyper énervant. Et les prénoms qui finissent en A, pour nous, c'est vraiment une obsession, les filles. Je sais pas pourquoi. Enfin, oui, bah, moi, c'est mes prénoms préférés. Ah, bah, toi, bah voilà. Ah, bah voilà. Non, de douceur et de beauté. Bah voilà. Emma, Léa, la fille de Nico, Lila, j'adore ce prénom, on en parlait tout à l'heure. Calme-toi quand même. Je trouve que c'est des prénoms qui font très doux. Pas Electra. Pas Electra, mais les autres prénoms, hein, Clément. J'ai trouvé un métier pour elle. Animatrice radio, 9h midi, pop rock, Electra. Tu crois quoi au bureau? Il y a l'électrochoc. Hein. Je peux te dire que ça ne passe pas coûter. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà fait par jalousie? Alors, pardon, je vais demander quand même à une fille, à plein de monde au standard. Je vais prendre Cindy par exemple. Bonjour Cindy. Bonjour Camille, bonjour à tous. Hello. Ma belle, est-ce que tu as déjà fait un truc dingue par jalousie? Moi je sais que ma chérie, peut-être vous les avez tous, les factures détaillées de téléphone. Ouais. Et ma chérie, je sais qu'elle a déjà regardé dans le téléphone, dans les factures, donc il n'y a que plein de numéros, comme ils feraient les policiers si j'avais tué quelqu'un. Ouais. Et elle vérifie tout, elle regarde s'il y a un numéro qui revient souvent. Oh là là. Et elle a déjà appelé un numéro qui revenait souvent. Bah oui, moi aussi. Ah, mais bon, ça a été chaud, c'était Electra. Oh. Non, pas du tout, elle a trouvé, mais je veux dire, elle a déjà fait ça, elle me l'a avoué. Ouais. C'est un vrai truc de jalousie. Ouais. T'as déjà fait un truc, toi, ma Cindy? Oui, bah ce que tu viens de dire, j'ai déjà fait aussi. Bah oui. Mais j'ai surtout aussi fait un truc un peu fou. Je me suis inscrite sur un site de rencontre parce que je sentais que ça sentait un peu l'oignon. Et je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. J'ai contacté mon mec, je lui ai donné un rendez-vous auquel il a été. Oh, je l'ai grillé, mais il m'a grillé aussi. Bah oui. C'est-à-dire, donc, voilà. Il est venu pourquoi? Bah, il venait pourquoi? À ton avis, un mec. Ça sentait pas bon, quoi. J'avais un peu de doute sur sa fidélité. Et puis. Oui, mais lui, il est venu au rendez-vous. Bah oui, il est venu au rendez-vous. Moi, j'y étais pas. Bah donc elle avait raison d'avoir des doutes. Bah oui, voilà. Ah oui, donc c'est plus rendez-vous. C'est plus ton mec aujourd'hui. Si, c'est toujours mon homme aujourd'hui, c'est vraiment il y a quelques temps. C'est un bon exercice. Enfin, c'est sympa. Et aujourd'hui, on est très heureux, mais il y a eu des petites. Des petites. Non, mais au moins, tu sais quoi? Au moins, t'as dit là, mon pote, t'as joué, t'as perdu, ne rejoue plus jamais. Ah. Exactement. Eh, c'est un bon système. Je vous le dis, ouais, les filles le font très très souvent, hein, de se faire passer pour de faux profils Facebook ou quoi, Clément. Moi, je l'avais fait avec une fille qui était vraiment en demande de sexe. Je lui ai filé un faux rendez-vous et je l'ai envoyé au cabinet dentaire de Juju et du coup, elle bosse avec maintenant. Juju, le mec de l'or. Bah, bien sûr. Ça ne m'amuse pas. Oh là là là là. Les amis, on vous embrasse très très fort. Et merci, ma Cindy, de témoigner, de venir avec nous sur l'antenne le matin et de te réveiller avec nous au 3916. Chainsmokers, voilà ce qu'on écoute tout de suite. On vous envoyait, et la semaine dernière, il y a une semaine, les applaudir à Las Vegas. Vous les avez découverts chez nous. Bon réveil, c'est parti, c'est dans le Virgin Tonic. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Now I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. Don't let me down. Voilà ce que je vais vous faire écouter dans un instant pour le pop rock électro, le Virgin Tonic qui reste à vos côtés. 6h, 9h chaque matin, on vous lâche pas. Et attention, dans un instant, le pack brossard à gagner, ça veut dire quoi? iPhone 7. Rendez-vous pour un concert privé à Paris, vous ferez payer. Et ce qui vous fait encore plus plaisir, infinité de brownies, les amis. Voilà ce que vous pouvez gagner dans un instant. Un bloc de brownies, voilà, volonté, n'hésitez surtout pas, on revient dans un instant sur Virgin Radio. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est le Camille MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour Miss MAF. Alors moins cher. Mais encore. Encore moins cher mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clic Ma Photo sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clic Ma Photo et claque moins 15%. Avec Clic Ma Photo, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr.

Bonjour Camille, bonjour équipe. Salut mon pote, je voudrais encore vous embrasser vous tous hein, qui nous écoutez nombreux au travail, à la maison et puis d'autres dans la voiture, peut-être un petit peu en galère, dans les bouchons, tout ça, on pense fort à vous. Et Germain, parmi vos, tous vos appels, c'est lui qui a été tiré au sort pour peut-être partir avec le pack Brossard. iPhone, rendez-vous à Paris pour un concert privé, la Big Brownie Party et des brownies à volonté. Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça Germain? Bah tout. Tour à tout de toute façon, t'as bien raison. Oui Laure. C'est un concert de David Brony. Merci Laure. Laure, elle est contente de ça. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Ça fait longtemps qu'elle m'en parle. Ouais, bah, très bien. Eh ben, tu sais quoi, au moins elle est faite. Et on se dit qu'on la refait pas. C'est parti les amis, on va jouer à Money Drop. Le principe est simple. Tu as déjà vu Money Drop à la télé, Germain? Ouais. Eh ben, on a piqué le concept, on le fait à la radio. Tout simplement. Comme explication, c'est assez simple. Trois cadeaux, mais quatre réponses possibles. Si tu es sûr de toi, tu mets tous tes cadeaux sur une réponse et tu repartiras avec les trois cadeaux. Si t'es pas sûr, tu espaces un petit peu entre la réponse A, B, C ou D, ce qui te permettra de limiter la casse et de repartir avec peut-être certains cadeaux. D'accord? Ok. C'est Money Drop. Attention, on y va. Voici tes trois cadeaux déjà. Tu l'as compris? Pack Brossard, iPhone 7, Brownie Box. Ouais. Avec Brownie à volonté. La Big Brownie Party le 18 novembre prochain avec David Brownie. Ça remet pas depuis tout à l'heure. Ça, c'est un seul cadeau. Vous rendez compte que ça, pour nous, c'est un seul cadeau. Deuxième cadeau, un iPad mini. Ah. Wow. Si tu mises bien, tu mets sur la bonne case, tu pourras repartir et avec l'iPhone 7 et avec l'iPad mini. Wow. Et troisième cadeau encore plus beau, un Tupperware, des lasagnes de l'or qu'elle n'a pas terminé hier soir. Elles étaient bonnes, hein? Elles étaient très bonnes. Ouais. Lasagnes de l'or dans un Tupperware, il y en a pour un petit dîner pour deux. Oui. Large. Bah c'est bien, je suis avec ma femme. Très bien. Mon pote, tu vas peut-être repartir avec les trois, c'est tout ce que je te souhaite. Va falloir bien miser sur cette question, attention. Germain. Ouais. Il va falloir répondre très vite. Hein. A, B, C ou D et bien miser. Ouais. Quel signe du zodiaque est placé entre le Verseau et le Bélier? J'attends tes réponses. Est-ce que c'est A, le Poisson, B, le Sagittaire, C, le Lion ou D, le Ténia? Répète la question. Vite, vite, vite, faut y aller. Quel signe du zodiaque est placé entre le Verseau et le Bélier? Est-ce que c'est Poisson, Sagittaire, Lion ou Ténia? Vas-y, vas-y. Je mets tout sur Sagittaire. Tout? Tout. Tout sur Sagittaire. Les trois cadeaux. Tu veux pas espacer un peu, mais pas les trois cadeaux ensemble. Hein. C'est risqué. Si t'es pas sûr. Après, si t'es sûr. Trop tard. Tout est placé, les amis. Tout est placé, les amis. Ah, j'y connais rien en signe astrologique, moi je vous le dis. Moi, je connais la bonne heure. Pas très doué non plus. Tu as joué l'audace. Tu as tout mis sur un seul cadeau. Attention. Je rappelle, hein, le Money Drop, tu peux espacer les cadeaux pour... voilà. Quel signe du zodiaque est placé entre le Verseau et le Bélier? Alors déjà, réponse D. Tu aurais pu mettre le Ténia, c'était une blague. Bien sûr, ce n'est pas le Ténia. Regardez. Tu ne perds aucun cadeau, tu n'as mis aucun cadeau sur le Ténia. Est-ce que... entre le Verseau... et le Bélier, il y a le Lion. On va vérifier. Le Verseau, je rappelle hein, quand même. C'est l'avant-dernier signe. Pour être Verseau, il faut être né du 21 janvier au 19 février. C'est ça. Voilà, oui. C'est ça. Et pour être Bélier, il faut être né du 21 mars au 20 avril. Okay, il y a un signe entre les deux. Ouais. Tu n'as rien mis sur le Lion et tu as bien fait puisque ce n'est pas le Lion. Ce n'est pas le Lion, tu as très bien fait. Maintenant, ça se joue entre Poisson et Sagittaire. Tu as tout placé sur Sagittaire. Eh bien, je vais te dire, on va découvrir tout de suite si tu repars. Je rappelle, t'as mis les trois cadeaux. L'iPhone 7, les brownies à volonté, le Big Brownie Festival, l'iPad mini, les lasagnes de l'or. Tu as tout placé sur Sagittaire et malheureusement... Sagittaire, il faut être né du 23 novembre au 21 décembre. C'est des poissons. C'est le poisson qui se situe entre les Verseaux et les Béliers. Je vois sur les réseaux, alors moi je suis pas calé, mais plein de gens sont calés en astrologie. Ils avaient la bonne réponse tout de suite. Moi je me serais certainement trompé comme toi. Oh là là. Mais c'est pas grave. C'est perdu, mon Germain, je suis désolé. Mais tu sais quoi? T'es avec ta femme? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, ma belle. Eh ben, tu sais quoi? Je vais quand même te laisser les lasagnes de l'or. Ah ouais, parce que franchement... Eh ben, ça me fait plaisir, mon poteau. Je sais que t'es un peu déçu. Il fallait peut-être mettre un peu sur plusieurs réponses. Ouais, mais j'avoue que j'ai hésité, mais je savais pas quoi mettre où, alors... Bah écoute, t'as tout lancé comme ça. Écoute, mon Germain, je t'embrasse très très fort. Bah merci beaucoup, en tout cas. Eh, merci à toi. Ben, on va te prendre au standard, on va te faire des beaux cadeaux. Rassure-toi, on va t'offrir voilà, quelques petits trucs qu'on a, rassure-toi. On va pas te laisser comme ça, mon pote. Merci de nous avoir suivis sur Virgin Radio. C'est dur de finir par une défaite. Ouais. Mais c'est pas grave, on offrira du coup deux iPhone 7 demain. Rassurez-vous, les cadeaux, nous, on les réoffre. En plus, c'est, si vous nous rejoignez juste, on finit comme ça alors qu'on a quand même offert pour 3000 euros depuis ce matin. Retour du loyer demain, d'ailleurs, un loyer au 7, 12, 13 à 6h20, 7h20 et 8h20, vos trois tirages au sort. On vous a aussi offert une PS4 avec le jeu FIFA 17. On vous a offert des casques audio. On vous a inscrit pour le tirage au sort de vendredi matin pour un séjour à La Réunion d'une valeur de 7000 euros. Énorme. Et là, on finit sur une défaite. Mais non, l'or. Ils vont se régaler avec mes lasagnes, t'inquiète pas. Oh, les amis, j'ai encore passé une matinée géniale. J'espère que vous aussi, c'est tellement actif d'être là avec vos côtés tous les matins. 6h, 9h sur Virgin Radio. J'embrasse très fort mon équipe. Bisous. Je vous embrasse très fort aussi. On va rester ensemble là, sur les réseaux sociaux. Vous nous dites tout ce que vous voulez, ce que vous pensez de l'émission, ce que vous aimeriez entendre aussi comme musique. Voilà, vraiment, je vous le dis souvent, mais c'est vrai. Cette émission, c'est la vôtre. C'est la sitcom de la vie. Elle s'écrit chaque jour en direct grâce à vous. Nico du bureau. Et puis, demain pour la dernière dans notre ancien studio. Oh là, ouais, j'ai oublié d'en parler. Ça fait bizarre. Vendredi, ouais. Alors demain matin, ce sera notre dernière ici. On va faire une demolition party. Ah ouais, cool. Yes. Et vendredi matin, on sera avec vous en direct depuis notre nouveau studio. Trop bien. Alors je vous l'ai dit, allez sur Facebook, envoyez-nous vos petites têtes de linotte comme ça par message, puisqu'on est en train de faire une immense mur avec toutes vos photos parce que c'est nous qui sommes dans le studio. Mais voilà, tous les matins, le plaisir, c'est d'être avec vous et vous serez avec nous chaque matin. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, hein, si on change de studio, c'est aussi parce que techniquement on va faire des nouveaux trucs et tout. Vous pourrez bientôt arriver directement dans les studios au téléphone. Vous appelez, vous êtes avec nous au téléphone. C'est génial, ouais. Il n'y a même plus le standard et tout. Vous appelez, boum, vous arrivez directement. Téléphone rouge. Téléphone rose. Je suis virée. Ah, je suis virée, je sais pas ce que du coup. Allez, et donc. Et puis surtout, les amis, on vous prépare une inauguration, une vraie, vraie, vraie inauguration. Pendaison de crémaillère du studio. Et il y a un immense artiste qui sera là avec nous ce jour-là et qui, du coup, prendra le nom. Vous le savez, ici, c'est le studio Indochine, mais qui est devenu le studio Patoche de Superbus. Ouais. Et ce studio-là, il faudra bien qu'il y ait une star énorme qui vienne pour prendre le nom de ce studio. C'est qui? Et il sera là. Je peux pas encore le dire à l'équipe, mais c'est exceptionnel, les amis. Voilà, on vous prépare encore plein de surprises cette année, vraiment. Et on va commencer avec Pierre-Alex, 21 Pilots, pour une matinée de pop-rock électro, bien sûr. Le temps de faire un dernier point sur l'actu, les amis. Ça a été un kiff d'être là. À demain, tout le monde. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, une tempête tropicale va balayer les Antilles dans la journée. En métropole, ce sera plutôt le calme plat, un peu de vent seulement sur les côtes de la Manche, du soleil sur l'ensemble du pays. 24 degrés cet après-midi à Paris, 25 à Bordeaux et 28 du côté d'Avignon. Et c'est une pluie d'hommage qui s'abat depuis l'annonce cette nuit de la mort de Shimon Peres. L'ancien président israélien s'est éteint dans son sommeil à l'hôpital, emporté par un AVC à 93 ans. Il restera comme l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des artisans de l'autonomie palestinienne. Il avait d'ailleurs reçu le Nobel de la paix en 94 avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Les messages de condoléances affluent du monde entier. François Hollande salue l'un des plus ardents défenseurs de la paix et un ami fidèle de la France. Manuel Valls estime, lui, que le monde est en deuil ce matin. Dans un message posté sur Twitter, les proches de Shimon Peres doivent s'exprimer dans les prochaines minutes. Plusieurs projets d'attentats ont été déjoués à Nice depuis celui du 14 juillet. Des précisions seront livrées ce soir dans un documentaire réalisé par France 3 Côte d'Azur. Un extrait révèle que les cibles envisagées étaient des lieux de culte, des rassemblements, des manifestations sportives, des stades ou encore des écoles. Plusieurs événements sportifs ont d'ailleurs été récemment annulés dans la région et le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes du 13 novembre est toujours en sursis. La lutte contre le terrorisme, justement, qui reste la première préoccupation des Français, mais elle est de plus en plus talonnée par le chômage.

Of me, at